Bonjour tout le monde, c'était Dédicat à l'instant avec Daddy Cool. Il est 6h24, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit et une meilleure journée que nous hier. Oui, ça a été voilà. Difficile. Écoute, on a bien mangé dans la boulangerie, là. D'ailleurs je tiens à les remercier encore une fois, la boulangerie Vienne. On a été super bien accueillis, bon évidemment pas de chance, il se fait que pour vous expliquer dans les détails, pour ceux qui étaient là hier, on devait être en direct de tournée. Bon, on y était mais ça passait pas vraiment à la radio, bon ben voilà, on n'a pas eu de bol. J'aurais eu la même chance de gagner l'euro-million, c'est-à-dire que la ligne internet est au moins pas en pleine nuit. Voilà, c'est vraiment la faute à pas de bol. C'est la faute à pas de bol. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui on est là, on est en direct, on est en chair et en os. Et j'ai même un petit cadeau pour Julie. Oh, regarde. Ah, t'as vu un peu. C'est trop mignon, merci. Voilà, un petit cadeau. Bon, c'est un sextoy, hein, faut le savoir. Ah, et donc c'est pour ça qu'elle est très. Non, moi, qu'elle est tellement ravie. Je pense que ce sont des pralines. Oui, oui, oui, des pralines qui font de l'effet. Les prunes qui font de l'effet. Tu verras. Non, non, je plaisante. Non, non, c'est voilà, on a pris ça à la boulangerie. Donc voilà, très gentil d'ailleurs qui nous ont offert mignon. Ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais écoute, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et attends, ce qui reste derrière la porte, qu'est-ce qu'il arrive ? Ah oui, c'est vrai, c'est la manifestation aujourd'hui. Il se prépare. Eh oui, mais c'est pas mal, c'est une bonne préparation. Hein. Mais oui, mais je vais manifester moi. Ça commence à 9h30 juste à la fin de l'émission. Donc, Très bien, tu seras en direct de la manifestation. Bah évidemment. Bah voilà, très bien pour manifester, pour. Oui. Non, c'est quoi, Premier ministre hein. Oui, voilà, c'est même ça. Voilà. C'est ça, le problème, c'est qu'il est même pas encore Premier ministre, le pauvre, que déjà il se prend des grèves sur la tranche. C'est quand même malheureux, quand même. Bon, enfin bon. Mais c'est pas grave, je m'en fous, il a qu'à me donner de l'argent. Ben voilà, c'est ça, donc manifestation contre l'austérité. Voilà, donc bon courage à ceux qui vont prendre la route aujourd'hui, hein. Ça va être bien, en plus il pleut, donc ça c'est génial. Donc il y a tout, qu'il faut, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une bonne grosse pagaille, quoi. C'est ouais, ça parfait. Va être un peu la. Ça va être la guerre. Ah ouais, ouais. Sachant qu'ils vont fermer tous les tunnels. Oui, tous les tunnels vont être fermés à Bruxelles en tout cas. Ouais, bon, fait, bonne nouvelle. Ça fait mal. Bonne nouvelle, par contre j'ai entendu ça aux infos hier. Les trains circuleront pas pour vous rendre service, uniquement pour transporter les grévistes à Bruxelles. Oui, ils ont rajouté 9 trains supplémentaires. Ouais, ouais, ils ont même rajouté. Donc ça qui est bien avec la SNCB, si tu vois, c'est pour foutre le bordel. Allez, on va rajouter des trains. Hein. C'est plus cher, normal. C'est pas grave, on a normal. Les moyens. Donc voilà, bon, sinon la STIB, gros bordel aussi au niveau de Bruxelles. On va en parler aussi au niveau de la tech. C'est bien, tu fais les infos. Comment à ça place. Va se passer. Non, c'est juste un petit topo, non, là, parce que je sais que tu vas galérer. C'est l'infogas, parce qu'on va manifester, nous. C'est l'infogrès, bah oui, on va les manifester, nous, après, contre l'austérité, évidemment. Voilà, bon, ce matin, on aura pas mal de choses, évidemment, pour vous, puisque nous aurons, évidemment, la ligne anti-relou qui n'est pas passée hier, donc on en aura aujourd'hui, forcément, que des messages qui ont été laissés sur le 0473-86-0013. On aura des écrans plats, on aura aussi des tablettes numériques Lenco qu'on aura à vous offrir, et d'ailleurs, profitez-en bien, puisque c'est le dernier jour, aujourd'hui, pour repartir avec vos tablettes Lenco, et on aura également, bien évidemment, les appels de Toff, hein, pour faire chez le monde. Hein. Oui, on a bien compris, spécial grève à mon avis ce matin, voilà. Oui, oui, il y aura, ça, ouais. Bah, il y aura DJ Antoine et puis attention, pour repartir avec vos on paiera vos factures également parce que du coup hier on n'a pas pu le faire malheureusement, mais on le fera aujourd'hui, rassurez-vous. On va également aujourd'hui vous offrir vos écrans plats ou vos tablettes numériques Lenco. Et pour ce faire, j'ai un nouveau petit jeu là à la place de la devinette. C'est deviner qui chante. C'est évidemment des enregistrements dans des concerts où les chanteurs chantent mal en général. Mm-hmm. Donc à votre avis, qui est-ce qui chante ça? Écoutez, alors. Allez. Elle se touche les seins en même temps, il faut le savoir. Hein. Mais j'espère que ce n'est pas celle qui doit vraiment jouer cette chanson. Allez, c'est. Voilà, donc si vous avez une idée, je vous la remets. Je pourrais faire la même chose. Bon, si vous avez une idée qui chante, si vous avez la bonne réponse, eh ben 63-22, hein, c'est 1€ le message. Vous repartirez votre. Je vais arrêter, sinon vous allez trouver. Je vous offre donc votre tablette numérique Lenco ou alors votre écran plat ce matin. Bonne chance tout le monde si vous êtes arrivé évidemment à deviner qui chante cette magnifique chanson avec un grand talent. Voilà. Dans un instant, l'info de Julie. Et puis côté musique là, c'est DJ Antoine qui va débarquer dans un instant avec Sunlight. Qu'on n'aura pas aujourd'hui de Sunlight d'ailleurs. Pas trop, non. Non, c'est pas des masses, non. Ah, on proposait Julie qui chante. Eh, mais ça aurait pu. Oh, ça aurait pu ressembler à ça, effectivement. Ça aurait pu. 6h29 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est Info maintenant avec Julie. Longue info, puisqu'il y a du bordel. Il y a 50 000 personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles. Aujourd'hui, les syndicats protestent contre les mesures d'austérité pour faire face à la crise de la dette et appellent à une manifestation nationale. Manifestation qui causera des problèmes de mobilité dans le centre de la capitale et en périphérie. Les manifestants se donnent rendez-vous rendez-vous à 9h30 à la gare du Nord pour ensuite rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la petite ceinture seront fermés à la circulation et la police conseille vivement d'éviter le centre de la capitale. Bien que les trains devraient arriver normalement à Bruxelles, les navetteurs pourraient connaître des problèmes de mobilité. Les réseaux de la STIB, des TEC et de l'AIN sont perturbés. Perturbations donc attendues en Wallonie sur le réseau TEC. Les écoles restent ouvertes, mais les cours pourraient être suspendus car les profs sont appelés à manifester. Politique, l'accord global a été voté. Le formateur Elodie Rupo a présenté le projet d'accord au roi durant une heure hier. Le nouveau gouvernement d'Yves Rupo Ier devrait prêter serment au début de la semaine prochaine. De son côté, Yves Le Terme présidera tout à l'heure son dernier conseil des ministres avant de prendre le cap de l'OCDE à Paris où il deviendra secrétaire général adjoint. Le Premier ministre sortant a été applaudi par l'ensemble de l'hémicycle de la Chambre hier, devant lequel il était interrogé pour la dernière fois en tant que qualité de chef du gouvernement. Hormis le Vlaams Belang et la liste de Decker, qui n'ont pas participé au concert de louanges et du FDF qui s'est tu, l'opposition a rejoint la majorité pour rendre un hommage appuyé à monsieur 800 000 voix. Une année d'études en cote coûte 9 000 euros et 4 211 euros pour un non-coteur. C'est 1 500 euros de plus qu'en 2008, selon une enquête menée par la Fédération des étudiants francophones. La différence ne peut s'expliquer que par la seule augmentation des coûts locatifs. Bah oui, loyer et garantie locative représentent sans surprise les postes budgétaires les plus lourds. L'enseignement de type court est plus cher de 340 euros par an que celui de type long. Le coût des stages ne semblant pas compenser la différence de Minerval, la fédération rappelle ses revendications d'un bail étudiant 10 mois au lieu de 12, du remboursement des frais de stage ou d'un ticket unique et gratuit des réseaux de transport en commun. Et puis enfin en sport, football en Europa League, Anderlecht a battu 1-2 Athènes. Les Mauves n'avaient même pas besoin de gagner ce match. Ils étaient déjà assurés de participer au 16e de finale. Et 6h31 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Quel temps magnifique pour aujourd'hui et ce week-end. Oh bah écoute, dans le détail, une zone de pluie présente. Préparez votre crème solaire. Le long du Sillon sans brémeuse et sur le sud-est perdra peu à peu son activité. Elle donnera plus de quelques brunes en Ardennes et en Gaume. Fin de journée, des éclaircies donc se propageront de la côte vers le centre. Température de 6 à 9 degrés. Ce week-end, eh bien, il se passera sous la pluie. Oh, ben voilà, tu vois, la pluie, c'est un petit peu la plage, tu vois, il y a de l'eau. Oh, ben oui, écoute. Ouais, il faut voir le côté positif des choses. Ouais, voilà, c'est ça, il faut sourire mieux à la vie. Et puis c'est tellement gai, tu sais, ce matin, je suis sorti avec cette flotte sur la tranche, tu vois, tu sors, ça réveille, quoi. Ouais, mais ça, c'est bien, je pense qu'il était temps qu'il pleuve un peu. Ouais, non, d'accord, mais enfin bon, bah bon courage à ceux qui sortent là, qui vont sortir chez eux ce matin. Normalement, vous aurez une bonne flotte sur la tranche, vous allez voir, c'est très agréable. 6h32 sur Fun Radio. DJ Antoine arrive dans un instant avec Tom Dice comme premier Sunlight. Et puis, bah, c'est l'info en plus maintenant. Quelle est cette info en plus? Ils y ont pensé, ils l'ont fait. Une école du sexe ouvre ses portes en Autriche. C'est l'initiative d'une suédoise qui souhaitait apprendre à ses élèves à devenir de meilleurs amants. Ouais. Et donc, elle ouvre une école en Autriche. Toute personne âgée de plus de 16 ans peut s'y inscrire. Mais pour devenir un spécialiste du genre, il vous faudra quand même dépenser 1600 euros par trimestre. Ah ouais, quand même alors. Hein. La formation est proposée aussi en pension complète avec des dortoirs mixtes où les étudiants devront mettre en pratique leurs devoirs. Ah ouais, ah c'est sympa ça, c'est bon délire. La directrice précise que la formation n'est pas théorique mais axée sur la pratique, c'est-à-dire les positions sexuelles, les techniques de caresse, les caractéristiques anatomiques. Bon, le problème c'est que si tu tombes sur une vieille prof. Tu n'y arrives pas, mais viens, je vais te montrer. Ça va être assez dur pour ça. Aller. C'est quand même limite. Donc, je pense que beaucoup vont prendre ça pour un grand bordel, alors que ce n'est pas le cas, vu que c'est une école. Mais bon, et comme c'est une école, du coup, quand t'as une question, tu dois aussi lever le doigt ou. Je ne sais pas. Je voulais savoir. Non. Bon, DJ Antoine sur Fun Radio maintenant avec Tom Dice, Sunlight, et 6h33. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, je vous fais réécouter la petite chanson à deviner pour gagner votre iPhone. Pas du tout. Bon, Tom Dice, tu sais quoi? Tu m'as cassé la tête là. Parce que quelqu'un a changé mon intro, du coup, je suis complètement perdu. Voilà, je disais, je vous rediffuse dans un petit instant votre petit extrait pour repartir avec votre tablette Lenko. Voilà, c'est ça, ou vos écrans plats. Ne bougez pas, il est 6h33. Vas-y, Tom. C'est Fun Radio, bon réveil, il est 6h36, bienvenue si vous débarquez, bon réveil, comme je le disais, ça va bien se passer aujourd'hui avec les grèves et tout, on va vous tenir au courant, rassurez-vous, on aura Toff en direct de la grève aussi tout à l'heure, et Liki Lee va débarquer avec I Follow River. C'est avant de parler avec Julie justement des stars les plus recherchées sur internet, dont je fais partie. Hein. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Ça. Je vais vous faire écouter maintenant la chanson, l'artiste. Oui, car c'est une artiste, on ne s'en rend pas compte dans l'extrait, mais c'est une artiste qui chante cette magnifique chanson. Si vous devinez l'artiste, vous repartirez peut-être avec votre écran plat ou votre tablette numérique Lenko d'une valeur de quasiment 200 euros. Écoutez. Je l'aime, quand elle dit boys, elle se touche ça en même temps. Alors moi, il n'y a que moi qui ai la vidéo, mais c'est très sympa. Ouais, c'était à l'époque où elle était, bien quand même. Allez, deuxième extrait. Et pour moi, ça me fait plaisir. Là, c'est facile. Là. Ok, ok. Je pourrais faire pareil. T'as besoin de savoir chanter pour être chanteuse. Voilà. Voilà, c'est si énorme. Vous avez une idée, hein, qui chante cette magnifique chanson de, avec parce ce talent. Elle a vendu des millions d'albums. Hein. Ouais. Bah parce qu'après on peut lui dire ouais mais c'est parce qu'elle fait un show sur scène et tout. Bon là elle fait pas grand chose quand elle chante ça, donc malgré tout, faut quand même dire. Bon dur. Si vous avez une idée qui chante ça, n'hésitez pas, vous envoyez. Qu'est-ce qu'elle est bien dis donc sur celle-là. 6322. 6322, donc vous repartirez peut-être avec votre écran plat ou alors avec bah, tout simplement votre tablette numérique Lenko. Bonne chance. Tiens, par rapport à l'info en plus de Julie, il y a Mirko qui dit Toff est certainement déjà en train de remplir le formulaire pour rentrer dans l'école du sexe, lol. Effectivement, ouais. ça c'est certain. Bisous à Mickaël, Julie, Toff et on saluera également le fait qu'il ait oublié l'ob. Alors, quelles sont les 10 stars les plus recherchées sur Internet? Alors, bah écoute, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a que un homme sur les 10 qui est numéro 1, d'ailleurs. Ouais, bah oui, mais quand je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien non, ce n'est pas toi, Mickaël. Ah bon? Alors ça, je ne comprends pas comment ça se fait. Hein. Ça, c'est... Il y a dû y avoir une erreur. Hein, tu vas être assez vexé parce que quand même, l'homme qui est numéro 1 au classement des 10 stars les plus recherchées sur Internet, c'est quand même Justin Bieber. Ouais, mais donc, ça c'est voilà. Parce que les filles n'ont pas de goût, c'est ce que je vous dis. Il cumule quand même 2 milliards de vues sur sa chaîne YouTube et 15 millions d'abonnés sur Twitter. 2 milliards de vues. Ouais, alors c'est imagine, comme... depuis le début, il aurait fait payer 1 euro par tête. Ouh là là, c'est... Bon, t'inquiète, je pense que son patrimoine n'est pas... Ouais. Il doit être assez bien rempli. Son compte est plutôt bien, effectivement. Et donc, c'est le classement des 10 personnes les plus recherchées sur Internet. Et comme je l'ai dit, il n'y a qu'un homme, il est numéro 1. Donc, tout le reste, ce sont des filles. Donc, Justin Bieber, numéro 1. La deuxième, c'est Kim Kardashian. Ah ouais, Kim Kardashian, ensuite, deuxième. Numéro 3, d'accord. Jennifer Aniston, Lindsay Lohan, Jennifer Lopez et celle qui ferme le classement, c'est Miley Cyrus. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est quand même. C'est pas mal déjà, dixième. Bravo à Justin Bieber qui est le seul homme du classement et qui est numéro 1. Ouais, enfin, seul homme, bon, à l'époque où il était dans le classement. Et il parlait comme ça, tu vois, donc forcément, on peut pas vraiment dire que. Bah non, il est classement le plus recherché l'année dernière, mais. Ouais, non, mais d'accord, mais il avait une voix aiguë, donc bon, à la limite. Le jeune ouais, homme. Ouais, c'est vrai qu'il commence seulement à muer. Voilà, le seul jeune homme de la liste. Le bébé, voilà. Quoi, mais non, je suis pas jaloux. Bon, 6h39 sur Fun Radio. Proposer Shakira, tiens. Bon, il y a beaucoup de réponses, hein, mais Shakira également. Alors non, pas du tout, hein. C'est pas Shakira. Du tout le son qu'on cherchait là. Restez bien sur Fun. De quoi ? C'est vraiment la même catégorie. Ah non, pas du tout, même, effectivement. Restez bien sur Fun Radio, on va revenir juste après ça avec l'infotrafic. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. À 7h15, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Avec dans un instant, je vous remettrai un petit extrait de la chanteuse qu'on recherche pour repartir avec vos tablettes Lenko ou alors avec. Bah vos écrans plats, mais avant ça, c'est l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Eh bien, je vous rappelle, manifestation nationale aujourd'hui à Bruxelles. Les embarras de circulation toucheront dès 9h30 le boulevard Simon Bolivar. Le cortège partira de la gare du Nord pour aller jusqu'à la gare du Midi. Les tunnels de la Petite Ceinture, Léopold Ier, Rogier, Botanique, Madou, Arlois seront également fermés dans cool. Les deux sens. La fin des perturbations est prévue vers 14h. Et puis, accident sur le 19, Anvers en direction de Bruxelles, à hauteur de Mechelen Sud. Bande de gauche obstruée. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Forêt. Le passage est difficile au kilomètre 58. Et puis accident sur le 25, Liège-Bastogne-Neuchâteau à hauteur de Tilf en direction des Ardennes. Bande de droite obstruée au kilomètre 7,5. Très bien. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, bah, n'hésitez pas à nous le signaler évidemment au 3044 par SMS ou en me faisant un petit mail mikl@funradio.be. Je compte sur vous, je compte surtout sur vous pour faire jouer la Fun Solidarité, bien sûr, pour éviter aux autres auditeurs de Fun de se retrouver dans le même bouchon que vous. On va s'écouter le son de Liquidy maintenant. C'est I Follow Rivers sur Fun Radio. Il est 6h46, juste après la ligne anti-relou. Et avant 7h, on appellera des gens pour un petit peu les réveils de bonne humeur. Voilà, ce sera le réveil de la bonne humeur avec Toff. Ne bougez pas de là. Ça arrive juste après ça sur Fun. Dans un instant sur Fun Radio, Enrique Iglesias avec Pitbull, I Like How It Feels. Je mettrai également les photos d'ici quelques instants, les photos d'hier quand on était en direct de tournée, en direct de la boulangerie Vienne. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour venir jusqu'à la boulangerie. C'est très gentil de votre part, on s'est plutôt bien marré. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et surtout, vous avez raté l'entartrage de l'aube par Toff. Hein, donc, photos qui seront à mater sur le Facebook, bien sûr, et sur le blog et michael.fm. C'est quoi, je suis rentré chez moi directement, je me suis lavé, j'avais encore l'impression de puer la crème. Parce que j'en avais dans le nez, en fait. Donc, à chaque fois que je respirais, ça puait la crème. C'était pas mal. Les photos qui seront à mater sur michael.fm, on va mettre ça en ligne tout à l'heure. Je les ai reçues cette nuit. Donc ça va bien se passer. Allez, ligne anti-relou sur Fun Radio. On va s'écouter les meilleurs messages. Laissez sur le 0473 86 0013. Écoutez le premier message. Oui, bonjour, je téléphone de la part de Bigouda, je suis Madame Benadji. Donc je vous confirme bien que je veux les 3 iPhone 5 qui vont sortir pour 100 euros. Ben oui. Qu'il n'y a aucun souci, c'est alors, un petit peu comme la base de l'iPhone 4S. Mais oui, bien alors, sûr. Oui, et alors le Père Noël existe aussi. Bah oui, et c'est puis, ça. Doucement, parce que déjà, il faut que je m'excuse auprès des gens qui ont mal pris le fait que j'ai dit que Saint-Nicolas n'existait pas, ce qui est évidemment faux, c'est une boutade. Hein, parce que alors, sinon, on va encore se retrouver avec 163 mails à écrire. Mais ça, c'est en France, hein, le Père Noël. Chez nous, c'est Saint-Nicolas. Chez nous, le Père Noël n'existe pas. Non, arrête de dire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le Père Noël existe. Julie, arrête de mentir. Arrête tu un nous, peu. Arrête, tu nous brises le arrête cœur. Arrête un peu de te foutre de nous, là. Une blague quand même. Pas enfin bon, hein, pas bon. Ça. Allez, deuxième message, tu m'as déprimé là. Deuxième message laissé sur la ligne anti relou ce matin, on y va. Eléo, là, je veux te pécho, là. En plus, tu es beau, là. Tu es fricoteau, là. Faudra te déshabiller, ça va pas être un problème. Parce que tu sais que je t'adore, peux-tu sortir avec moi? C'est la copine du colonel Reyes. Ouais, je pense. Bon, 6h50, hop, on enchaîne avec le troisième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, je t'aime super fort, tu es la femme de ma vie, franchement. Je pense qu'à toi toute la journée. Je sais plus où donner la tête. Je t'aime très très fort et vivement ce soir. Bisous, je t'aime. C'est Vincent, voilà. Oui. Oh là là. Oh, le... On dirait qu'il parle dans un mégaphone. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très difficile. Ah ouais, non, mais t'imagines, t'as ça au matin, tu te réveilles. Ah, oh, vous avez un nouveau message. Cool, j'écoute. Et puis t'as ça. Salut, c'est Vincent. C'est génial. Je suis précédé de ce soir. Ça doit être horrible quand même. Très difficile. 6h51 sur Fun Radio. Je vous remets le petit extrait là, de la chanson à découvrir. Oh, allez, oui, hop. Vas-y. Mais oui, ça fait plaisir. Alors attends une seconde. On sait qui c'est. Bah, c'est ça. Attention, je vous mets un nouvel extrait. C'est cool. How was I supposed to know? Bon, qui chante ça, si vous avez la bonne réponse? 63-22, hein, y a un écran plat qui est à gagner. Ou alors des tablettes numériques Lenko qu'on vous offre toute la semaine aussi. Allez, ça va démarrer là. Hein. Donc là, elle est en concert, faut savoir. Hein. Bon là vous avez deviné, hein, c'est le morceau le plus connu donc. En fait c'est un concert où le micro, ils ont enregistré que le micro. Ah c'est horrible. Alors écoutez, ça va démarrer là. Et ce n'est toujours pas Shakira. Hein. Bon alors Josiane. Elle a un orgasme en plein concert, quoi. Un peu, je pense. Ah oui, non, elle l'a fait, avec Michael Jackson. Elle a toujours joué un peu son petit... Voilà. 63-22, si vous avez la bonne réponse. C'est très dur. Chant 63-22, l'écran plat à gagner ou alors la tablette numérique Lenko. Ce matin, on va écouter quelqu'un qui chante très bien aussi en concert. Tiens, Enrique Iglesias, maintenant avec Pitbull, I Like How It Feels. It's my time. Fun Radio, 6h55, l'info de Julie va débarquer d'ici quelques instants. Et puis, bah, on va appeler des gens là maintenant, hein. On va appeler des gens puisque forcément c'est la grève. Des sous, on veut des sous. Ben oui. Grève nationale aujourd'hui, ça se passe à Bruxelles pour ceux qui viennent de débarquer et qui étaient dans le coma pendant ces derniers jours, hein, comme ça on sait jamais. Donc voilà, gros bordel aujourd'hui au niveau de Bruxelles, on en parlera dans les infos d'ailleurs d'ici quelques instants avec Julie. Et ce n'est pas une grève nationale. Non, c'est, oui, non, bon. C'est, non, c'est une journée de manifestation. C'est nationale. Vrai, c'est vrai. C'est pas la journée, même chose. C'est vrai. Pas pareil. C'est vrai. Bon, on va appeler qui du coup alors aujourd'hui J'ai décidé de prévenir un peu les gens que c'était la grève et tout. Donc j'ai décidé d'appeler l'hôtel juste en face de la gare du Nord. Hein, parce que c'est. Ouais. Qui va bien morfler lui. Voilà, il va bien morfler, donc je vais voir si on peut aller prendre le petit déj tout ça ce matin pour juste avant d'aller manifester quoi, qu'on soit pas le ventre vide. Bon, eh ben c'est parti, on y va, on appelle l'hôtel. Si c'est moi, ça sonne à un moment ou à un autre. Si ça sonne. Eh oui, c'est vrai que hier on a quelques petits problèmes avec les lignes fixes. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas téléphoner sur les lignes fixes. Mais ce n'est pas grave, j'y crois toujours. J'y crois toujours. J'y crois encore. C'est bizarre, j'ai testé la ligne il y a 30 secondes. Bah oui, mais c'est bizarre, effectivement. Tiens, c'est marrant ça. Bah oui, mais c'est bizarre. Bon, bah écoute, tant pis, hein, sinon on réessaye d'ici 5 minutes, c'est pas très grave. Bah oui. Bah oui, bon, on va faire ça dans un instant, le temps de voir c'est si. Ça, on ne veut pas qu'on manifeste. Exactement. Le pouvoir essaye de nous censurer, mais ça ne marchera pas. Exactement, je pense que ça vient de là, effectivement. Bon, c'est pas grave, on va s'écouter Jesse avec DJ Rebel maintenant, avec Angel. Et puis juste avant l'info de Julie, on va essayer d'appeler justement cet hôtel pour voir. Bah pour les prévenir de la grève, tout ça, évidemment, vous comprenez bien que nous, on est là, c'est pour rendre service. On veut des sous. Oui, on a compris, je pense, Stoff. 6h56, bon réveil, bon courage aujourd'hui, hein, je pense qu'il va vous en falloir. C'est Jesse maintenant qu'on écoute. Jesse avec DJ Rebel à l'instant, Angel sur Fun Radio, il y a l'info qui arrive dans un petit instant. Et on va vous rembourser vos factures également, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, c'est dans 10 minutes que ça se passe sur Fun Radio. Vous vous inscrivez au 6322, vous débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appelle dans un instant en direct sur Fun Radio. Et ce qu'on va écouter aussi dans un instant, c'est Mister You avec le colonel Rayel et Mets-toi à l'aise. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, bon courage aussi pour ceux qui vont passer un bon moment sur les routes ce matin avec la manifestation. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, 50 000 personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles aujourd'hui. Les syndicats protestent contre les mesures d'austérité pour faire face à la crise de la dette et appellent à une manifestation nationale. Manifestation qui causera des problèmes de mobilité dans le centre de la capitale et en périphérie. Les manifestants se donnent rendez-vous à 9h30 à la gare du Nord pour ensuite rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la Petite Ceinture seront fermés à la circulation et la police conseille vivement d'éviter le centre de la capitale. Bien que les trains devraient rouler normalement à Bruxelles, les navetteurs pourraient connaître des problèmes de mobilité. Les réseaux de la STIB, des TEC et de l'AEN sont perturbés. Les bus rouleront très peu en Wallonie. Les écoles restent ouvertes, mais les cours pourraient être suspendus car les profs sont appelés à manifester. Politique, l'accord global a été voté. Le formateur Elodie Rupeau a présenté le projet d'accord au roi durant une heure hier. Le nouveau gouvernement Di Rupo premier devrait prêter serment au début de la semaine prochaine. De son côté, Yves Leterme présidera tout à l'heure son dernier conseil des ministres avant de prendre le cap de l'OCDE à Paris où il deviendra secrétaire général adjoint. Le premier ministre sortant a été applaudi par l'ensemble de l'hémicycle de la chambre hier, devant lequel il était interrogé pour la dernière fois en sa qualité de chef du gouvernement. Hormis le Vlaams Belang et la liste des Dekker et le FDF, l'opposition a rejoint la majorité pour rendre un hommage appuyé à monsieur 800 000 voix. Un vaccin tue un bébé à Charleroi. Les faits remontent à la mi-octobre. Un couple de Couillet a perdu une de leurs jumelles âgée de 2 mois et demi après l'injection de vaccin à la clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies. Les parents n'ont appris qu'après le décès, les risques courus par leur enfant en raison de l'administration des vaccins. Selon eux, il n'a pas été suffisamment tenu compte des antécédents familiaux et notamment de ceux de la mère de la petite Stécie et de ses allergies. Ils n'ont pas été prévenus des risques encourus donc par la petite. La plainte ayant été déposée contre X, l'enquête doit maintenant tenter d'établir où se situent les éventuelles responsabilités dans ce décès. Et puis enfin, en sport football, en Europa League, Anderlecht a battu 1-2 Athènes, mais les Mauves n'avaient même pas besoin de ce match. Ils étaient déjà assurés de participer au 16e de finale. Il est 7h03 sur Fun Radio. Le remboursement des factures, c'est dans un instant. Le son de Mister You, c'est dans un instant également. Et la météo, en revanche, c'est tout de suite. Eh bien, pas mal de pluie ce matin. Fin de journée, quelques éclaircies qui devraient apparaître se propageant de la côte vers le centre. Température de 6 à 9 degrés ce week-end. Eh bien, on sort les parapluies et on va le passer sous la pluie. Eh oui, c'est normal. En même temps, c'est quasiment l'hiver. Hein, donc forcément, je vous explique dans un instant comment faire. Bah pour vous faire rembourser vos factures, tout simplement. Ça se passe au 6322, code facture. Plus en détail juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Dans un instant, le remboursement des factures. Et donc, si vous voulez qu'on vous rembourse, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez faire comme tous ceux qui se sont inscrits là. Il y a quoi? 80 euros pour une place de concert. C'est con parce qu'on en offre sur Fun. 42 euros, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on sait pas pourquoi. 62 euros pour de l'eau. 61,36 € pour Electrabel. 87,75 € pour Bellycom TV. 350 euros pour un chien pour mes enfants. Bah, et on faut prendre les chiens qui sont là dans les chenilles. Mais oui, les chiens errants. Mais non, pas errants. Avec des bonnes maladies. Ben non, mais pas forcément. Tu peux acheter des chiens, enfin tu peux prendre des chiens dans les chenilles sans pour autant les payer une blinde. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bref, on remboursera peut-être une, enfin on va vous rembourser une facture dans un instant, mais peut-être vous dans un instant. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. C'est un euro le message et l'info en plus maintenant. Quelle est-elle? Alors le no shampoing, tu connais cette tendance? C'est pas se laver les cheveux? Eh bien oui. C'est la Kurt Cobain mode. C'est un petit peu ça. En fait, ça se passe toujours. Enfin, ça se passe. C'est-à-dire que c'est surtout les femmes. Hein. Ça concerne plus les femmes puisque bon, nous on a des cheveux plus longs, etc. Ça se voit plus vite forcément que nos cheveux sont sales. Vous, on sait très bien que vous ne les lavez plus depuis très longtemps. Bah bien sûr, alors, c'est ça. Moi, la dernière fois, c'était l'année dernière. Ah bah c'était voilà, il y a deux heures, moi. C'est bien ce qui me semblait. Et bien donc, cette pratique de nos shampoings, c'est la volonté de laisser les cheveux respirer, évoluer, mais tel oui, qu'ils poussent oui. sur nos têtes. Que ça reste dégueulasse. Et en fait, oui, vas-y, mon cheveu, vite à vie. Cette pratique, ça, ouais. Eh ben, elle a de plus en plus d'adeptes, et pas seulement chez les paresseuses ou chez les fauchés. C'est vraiment celles qui militent pour l'environnement, qui sont fans de ce petit mouvement de rébellion. Et en fait, les partisans rappellent que le shampoing ne fait partie que d'habitudes récentes. Jusqu'en 1860, les gens utilisaient le même savon pour le corps et pour la tête. C'est donc en 1930 ce qui ressemblait à notre shampoing moderne qui a fait son apparition. Donc voilà, donc on passe vers cette tendance de no shampoing. Alors les adeptes du no shampoing rappellent aussi qu'il y a des produits chimiques dégueulasses dans les shampoings, etc. Donc on voit de plus en plus de femmes qui se laissent comme ça les cheveux gras jour après jour, parce que bon, c'est vrai qu'à la préhistoire, est-ce qu'on se lavait les cheveux? Oui, non. Mais enfin bon, c'est-à-dire après histoire, on n'allait pas se faire opérer pour quand on était malade non plus, tu vois. Donc, oui, moment, je sais. Moi, je personnellement, je me lave les cheveux. Mais bon, ça c'est. Arrête un peu, c'est faux. Bah, dis donc. Oh, quand on voit les cheveux, on se demande vraiment ce que tu utilises comme shampoing. Regarde, hein. Regarde, son cheveu est doux et soyeux. Ouais, exactement. Tu peux venir toucher mon cheveu doux et soyeux. Uh-huh. Regarde comme il est luisant de la graisse qui reste dessus. Non, c'est pas vrai, n'importe quoi. Bon, 7h07 sur Fun Radio. Bon réveil à tout le monde. Mr. You et le Colonel Riel, on va se les écouter maintenant. Tiens, les deux là, mets-toi à l'aise sur Fun Radio. Merci, mais je l'ai déjà dit, Mr. You. C'est Fun Radio, il est 7h09 et le remboursement des factures. Tous les matins. Yes. Fun Radio paye vos factures. Exactement, avec plaisir. Tous les matins, oui, on vous appelle chez vous pour vous rembourser vos factures. Pour ça, c'est très simple. Il suffit simplement de nous envoyer un petit message au 6322. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appelle en direct pour vous rembourser cash votre facture. Le concept relativement simple. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme proposition? 130 euros pour des chaussures. Une des belles chaussures. Hein. Qu'est-ce qu'il y a également? Taxe communale 170 €, remboursement de Proximus 40 €, 80 € pour une place de concert. Et on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite donc au 6322. Si il ou elle décroche et répond correctement à la question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, c'est gagné. Allez. Bonjour, vous êtes bien? Oh, c'est dommage. Stéphanie, je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez votre message. Vous qu'on lui rembourse un choix. Oh là là, mais pour faire quoi? Je sais pas. Couper son mec peut-être. Allô Stéphanie, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio, je t'appelais pour le remboursement de ta facture de 48 ou 9 euros, je sais plus, pour un hachoir. Parce que bon, c'est dommage qu'on n'arrive pas à t'avoir au téléphone, parce que je me demandais ce que tu voulais faire avec un hachoir. Mais malheureusement, il faut savoir qu'elle est tueur en série, moi, que là, ça. Elle est occupée à finir son cadavre de la nuit. Voilà, c'est possible, elle a peut-être regardé Dexter hier soir. Donc bon bah Stéphanie, je suis désolé, hein, on remboursera donc pas cette facture-là, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je te fais des gros bisous et passe un bon week-end Stéphanie. Ou alors elle a prévu le hachoir pour la manifestation d'aujourd'hui. Et par contre, si tu es vraiment tueur en série, on y est pour rien pour la facture. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est pas notre faute. Hein. Si tu nous appelles, on te la remboursera peut-être quand même. Hein. Donc, c'est pas la peine de t'énerver. Bon, gros bisous, Steph. À bientôt. Et puis, paye les autres maintenant, évidemment. Eh bien, il suffit de vous inscrire. On appellera que ceux qui s'inscrivent. Du coup, c'est la règle entre 7h10 et 8h10 pour le prochain passage à 8h10 du remboursement des factures. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, tout le monde. Il y a Doudou qui arrive aussi dans un instant avec l'horoscope. Et puis David Guetta, hein, côté musique, là, ce sera avec Usher et Without You sur Fun Radio. Bon réveil et bonne chance pour ceux qui vont bouger aujourd'hui sur la route. Il est 7h11. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Rio qui arrive avec Eugene et Turn This Club Around. Mais avant cela, évidemment, je vous fais encore une fois écouter la dernière fois la petite chanson, là, cette charmante personne qui, dans les clips que je viens de voir, en tout cas, était relativement charmante à l'époque. Visiblement, un peu de mal à chanter. Ce qui vous permet de repartir, si vous trouvez qui est cette chanteuse, justement, de repartir avec votre tablette numérique Lenko ou alors avec un écran plat. Écoutez bien, je vous le remets un petit coup, là. C'est parti. Il y a des gens qui proposaient Sébastien Loeb. Non. Ce n'est pas lui. Car lui, c'est pire. Moi, j'ai un petit indice. Cet Vas-y. Artiste est né aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai en plus. Son anniversaire. Ouais. Elle a 30 ans. Ouais, attends. Alors, je remets depuis le début pour ceux qui viennent de débarquer. Hein. Ça aurait pu être top aussi. Non, c'est vrai, je chante mieux. Je chante mieux. Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous n'hésitez pas. 6322, c'est 1€ le message. Il y a des tablettes numériques Lenko à gagner ou des écrans plats. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope, comme chaque matin sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15 avec notre ami Doudou qui est avec nous, évidemment. Doudou, comment allez-vous, cher ami? Ah, mais ça va bien, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, tant mieux alors. Hein. Ah, bah oui. Bah oui, ça a été, vous avez bien mangé hier? Ah, oui, en fait, j'aurais bien voulu pouvoir en tuer, alors du coup, j'ai dû attendre la fin. Bah oui, j'imagine bien, ouais, je suis vraiment désolé. Oui. Hein. Bah bon, oui. On va vite faire l'horoscope parce qu'il y a la panique aujourd'hui, vous êtes en panique totale à cause des embouteillages. Ah, bah oui, alors. Bah, hein. Vous avez jamais vu ça sur vos îles, évidemment. Hein. Ah, bah c'est-à-dire que chez nous, de toute façon, si ça va pas dans un sens, tu fais le tour de l'île dans l'autre sens. Bah hein. Oui, bah j'imagine. Bon, allez, Doudou, l'horoscope, les béliers. Alors, faites un peu attention à votre rapport à l'argent. Vous l'avez déjà dit, vous n'avez pas fait d'effort. Oui, bah si, quand même. Les taureaux. Les commérages vous énervent aujourd'hui. Ne vous laissez pas emporter à faire des remarques irréfléchies. Les gémeaux. Vous êtes d'humeur à aller danser. Ah bon? Oui, alors, ouais, mais votre popotin. Ah oui, bah les cancers, comme Julie. Même si vous ne voulez pas l'accepter, chouchou, ne vous gâtois pas aujourd'hui. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Les lions. En ce moment, il vous manque la volonté. Les vierges. Ne voyez pas tout en rose, pensez à regarder la réalité en face. Les balances. Ne vous laissez pas distraire et poursuivez votre chemin avec détermination. Les scorpions. Détendez-vous et profitez de ce point mort pour vous reposer. Les sagittaires. Quand on perd une bataille, on peut tout de même gagner la guerre. Bon, les capricornes. Alors, vous avez enfin remarqué que vous faites... Mais c'est difficile hein, oui. Doudou, ce matin, bah oui. Alors vous avez enfin remarqué, ce que vous faites est une perte inutile d'énergie. Alors économisez-vous. Les Verseaux. Aujourd'hui, vous n'allez connaître ni succès professionnel, ni aucune rentrée d'argent. Faudrait penser à appeler le patron, parce qu'il y a le salaire qui doit tomber quand même. Ah hein. oui, là. Et les Poissons pour terminer. L'amour vous donne des ailes et augmente votre vitalité. Très bien, allez, à tout à l'heure Doudou. Et partez pas parce qu'il y a la grève, hein. Vous allez voir, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Hein. Ah, je n'en doute pas. Ouais, on n'est pas l'abri qui se barre. Bon, 7h18 sur Fun Radio. Et on écoute Rio maintenant, Turn This Club Around. Rio à l'instant sur Fun Radio avec Eugene, Turn This Club Around. Il est 7h20 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Nous avons avec nous Anaïs qui est là. Bonjour Anaïs. Oui, bonjour. Comment ça va Anaïs? Ça va très bien et vous? Mais ça va bien Anaïs, tranquille. Alors t'appelles d'où toi? Tu as 20 ans et t'appelles d'où? Oui, j'appelle de la Nef. De la Nef, très bien. Anaïs, tu as la réponse qui est cette magnifique et grande chanteuse qu'on réécoute maintenant. Tiens, pour le plaisir de tout le monde et celui de Julie surtout. Hein. Ah, j'adore. Bah oui. Je sais. Mais oui, c'est Britney Spears. Dur, hein. Donc, moi vraiment ma conclusion c'est faut pas savoir chanter pour être chanteuse non. Et gagner des millions et des millions d'euros. Effectivement. Donc je pense que je vais me reconvertir. Bah écoute, vas-y. Voilà, donc Britney Spears, bah écoute, Britney Spears te fait gagner une tablette numérique Lenko ou alors un écran plat. Tu choisis quoi, Anaïs? Un écran plat. Eh bah écoute, il est pour toi, y a pas de problème. Je te fais des bisous, Anaïs, merci à bientôt. Beaucoup, merci beaucoup, passe une bonne journée. Eh bah, passe une bonne journée à toi également, Anaïs. Gros bisous et reste au standard, on va reprendre tes coordonnées d'ici quelques instants. Et hier, comme souvent dans les tribunaux, il y a deux amis qui ont tenté de se sauver la mise en racontant un gros mensonge. Le problème, évidemment, c'est qu'ils n'avaient pas la même version et qu'ils ont oublié des détails importants. Alors, je vous explique l'histoire. Il y a Olivier K qui emprunte la voiture de son ami Olivier S. Donc, Olivier K roule sans permis et en état d'ivresse. Du coup, bah forcément, c'est le drame. Bah oui, c'est ça, c'est l'accident, c'est le drame. Bon, comme son pote, il est quand même plutôt cool, il va essayer de lui sauver la mise en déclarant « Oh, on m'a volé ma voiture, je l'ai retrouvée accidentée !» Déjà, la pire connerie à faire. Hein. Mm-hmm. Et donc, problème auquel il n'avait pas pensé, évidemment. Et oui, l'ADN de son pote était sur les lieux de l'accident. Alors, écoutez... Bah, tu cherches ton pote, tu dis « Ouais, c'est lui qui me l'a volé, je savais pas, il m'a pris les clés, je me suis rendu compte. » Tu lui mets tout dessus. Donc voilà, on écoute maintenant, justement, les explications de cet accident au tribunal. Monsieur, levez-vous. Vous déclarez vous être fait voler votre voiture alors qu'elle était dans son garage. Alors comment se fait-ce que l'on ait retrouvé l'ADN de votre ami sur les lieux de l'accident ? Ah mais ça c'est parce qu'en fait, quand on nous a volé la voiture, Olivier, ben, il passait par là. Et il a vu les voleurs qui prenaient la voiture. Alors il s'est dit, ouais, moi je vais courir derrière la voiture. Après il a sauté sur le toit, les voleurs ils faisaient carrément des virages pour le faire tomber Olivier. Et là Olivier il est tombé, il a roulé sur 200 mètres mais bon il a quand même réussi à s'accrocher à la roue. Donc il s'est servi de sa ceinture pour rattraper le rétroviseur, il s'est hissé jusqu'à la portière hein, parce que bon c'est pas facile non plus. Après quand il a ouvert la porte il a quand même fait une technique de jiu-jitsu brésilien au conducteur et il a réussi à le foutre dehors de la bagnole. Une fois installé, il a regardé l'autre voleur et lui fait « Hasta la vista, baby !» Et alors de peur l'autre con il a volé en dehors de la fenêtre, il a sauté et tout. Et la marmotte a mis le chocolat dans le papier d'alu. Ouais, c'est ça, monsieur le juge. Un mensonge presque parfait, tous les jours au tribunal. Ouais, bon, forcément, évidemment, bah, comme ça, c'était difficile de le faire passer. Hein. Ah non, moi je trouvais ça crédible. Ah bon ? Ben, ouais, écoute, ouais, ouais. Oui, je trouve pas. Que c'était plus crédible que mon idée de mettre sur le pote. Ouais. Ouais. Écoute, ouais. Faut voir avec un vrai juge. Tiens, Britney Spears, il y avait pas mal de gens qui ont envoyé leur message avec la bonne réponse. Elle est vraiment trop mauvaise. Britney Spears, un vrai drame à l'écoute. Ouais, c'est clair. On proposait Kylie Minogue également. Non, c'était pas évidemment Kylie Minogue, c'était Britney Spears. Dans un instant, une nouvelle chanteuse ou chanteur qui colle, évidemment. Dans quelques instants, restez bien là, donc, avec encore des tablettes numériques Lenko à vous offrir toute la semaine jusqu'à tout à l'heure en l'occurrence. Et à 7h24 sur Fun Radio, on va passer le son de Dante Thomas. Ça fait plaisir malgré ce temps dégueulasse, les manifestations et tout. Ça va vous relaxer dans la voiture à la place de vous énerver derrière votre klaxon. Vous allez voir. Dante Thomas maintenant, Miss California sur Fun Radio. 7h24, bon réveil. 7h28 sur Fun Radio où j'ai trouvé du lourd, du très lourd, du trop, de l'énorme. Je vous explique. C'est pour gagner votre tablette numérique Lenko maintenant qui vaut quasiment 200 euros. Il faut arriver, alors tout à l'heure il y avait Britney Spears et là maintenant il faut arriver à découvrir qui est derrière cette magnifique chanson en live. Encore une fois, c'est le chanteur ou la chanteuse qui colle. Bon là en l'occurrence c'est une chanteuse. Écoutez bien, autant on disait que Britney Spears avait du mal tout à l'heure mais là je pense que... Oh là là. Je suis pas sûr que ton jeu soit une très bonne idée, ça casse les oreilles. Mais ça qui est bon. C'est horrible. Et ouais. C'est impossible de reconnaître. Et pourtant, elle est dans le classement des gens les plus recherchés sur internet. Si, c'est facile, tu l'as pas reconnu. Ah non, pas du tout, moi j'arrive pas à la reconnaître. Voilà. Ah, mais qu'on la tue. On est en train de l'égorger en fait. Là, c'est pour ça qu'elle dure. Oui, donc ce soir il y aura du porc à manger. Hein. Voilà, si vous avez l'idée qui chantait ça, c'était à l'époque en live du Rockefeller Plaza à New York. Donc c'est ça qui était dramatique, c'est que c'était blindé de monde en plus. Hein. Voilà, la bonne réponse au 6322, c'est un euro le message. Il y a des tablettes numériques Lenko qui sont à gagner. Ou alors vos écrans plats, vous choisirez évidemment. 7h29, bonne chance tout le monde. Dans un instant sur Fun Radio, DJ Joss. Ça va arriver aussi dans quelques instants évidemment, mais là il est 7h29, c'est l'heure de faire un point du côté de l'actu, de l'actu bien relou aujourd'hui, puisque plein de bouchons dus aux manifs. Eh bien oui, 50 000 personnes sont attendues ce matin dans les rues de Bruxelles, les syndicats protestent. Oui, des sous, on veut des sous. contre les mesures d'austérité pour faire face à la crise de la dette et appelle à une manifestation nationale. Manifestation qui causera des problèmes de mobilité dans le centre de la capitale et en périphérie. Les manifestants se donnent rendez-vous à 9h30 à la gare du Nord pour ensuite rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la petite ceinture seront fermés à la circulation et la police conseille d'éviter le centre de la capitale. Bien que les trains devraient arriver normalement à Bruxelles, les navetteurs pourraient connaître des problèmes de mobilité. Les réseaux de la STIB, des TEC et de l'EIT sont perturbés. Les bus rouleront très peu en Wallonie. Par contre, bonne nouvelle, on apprend ce matin que la circulation des trams est meilleure que prévu. Les écoles restent ouvertes, mais les cours pourraient être suspendus car les profs sont appelés à manifester. Politique, l'accord global a été voté. Le formateur Elodie Rupo a présenté le projet d'accord au roi durant une heure hier. Le nouveau gouvernement Di Rupo Ier devrait prêter serment au début de la semaine prochaine. De son côté, Yves Le Terme présidera tout à l'heure son dernier conseil des ministres avant de prendre le cap de l'OCDE à Paris où il deviendra secrétaire général adjoint. Un vaccin tue un bébé à Charleroi. Les faits remontent à la mi-octobre. Un couple de Couillet a perdu une de leurs petites jumelles âgées de 2 mois et demi après l'injection de vaccin à la clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies. Les parents déclarent qu'ils n'ont appris qu'après le décès les risques courus par leur enfant en raison de l'administration des vaccins. Toujours selon eux, il n'a pas été suffisamment tenu compte des antécédents familiaux et de ses allergies. La plainte ayant été déposée contre X, l'enquête doit maintenant tenter d'établir où se situent les éventuelles responsabilités dans ce décès. La Belgique est 19e au classement sur la corruption selon le rapport annuel de Transparency International. Comparé aux pays de l'Union européenne, elle se place derrière le Danemark, la Finlande et la Suède. Notre pays se situait 22e en 2010, 21e en 2009. Et puis enfin, en sport football, en Europa League, Anderlecht a battu 1-2 Athènes. Eh bien, les Mauves n'avaient même pas besoin de ce match pour se qualifier au 16e de finale. Il est 7h32 sur Fun Radio. Tout à l'heure, on vous remboursera les factures. Je vous rappelle qu'à 7h10, ce n'est pas tombé car on est tombé sur un répondeur. Ce qui veut dire qu'à 8h10, on n'appellera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Donc si vous voulez tenter votre chance, on appelle dans une grosse demi-heure, 63-22. Débutez le message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. 7h32, quel est le temps magnifique prévu pour ce week-end? Eh bien, j'ai envie d'ajouter. J'ai envie d'ajouter au bouchon ce matin, eh bien, de la pluie. Hein. Une zone de pluie traversera le pays, mais bonne nouvelle, elle perdra un peu de son activité en fin de journée. Donc, des éclaircies se propageront de la côte vers le centre. Température de 6 à 9 degrés ce week-end, eh bien, on sort les parapluies, hein, toujours. Elle doit toujours annoncer des mauvaises nouvelles. C'est son métier. Les mauvaises nouvelles. Et le pire, c'est qu'elle kiffe. Qu'est-ce qu'elle kiffe ça, c'est dégueulasse. 7h33 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est vendredi aujourd'hui et nous avons donc l'info en plus. L'info en plus qui risque de fortement t'intéresser, Toff. Une école du sexe ouvre ses portes. Je suis déjà inscrit. En Autriche. Voilà qui ne m'étonne pas. C'est une Suédoise donc qui souhaitait apprendre à ses élèves à devenir de meilleurs amants et donc elle ouvre cette école en Autriche. Toute personne âgée de plus de 16 ans peut s'y inscrire. Mais pour devenir un spécialiste du genre, il vous faudra tout de même dépenser 1600 euros par trimestre. Il faut les avoir. La formation est proposée en pension complète avec. On peut se prostituer pour payer ? Non, tu peux pas. Alors la formation est proposée donc en pension complète avec des dortoirs mixtes où les étudiants devront mettre en pratique leurs devoirs. Ah ouais. Donc moi ça fait un peu peur. Je pense que ça va vite tourner au bordel tout ça. Enfin bon. Je pense que ça peut effectivement être le cas. C'est mon avis. Hein. Je crois que c'est un peu le concept. Ouais. ça se déclare comme une école. Hein. On apprend vraiment à devenir des bons amants. Ça se déclare comme. Oui. Et d'ailleurs il faut faire comme à l'école mais sauf qu'il faut pas lever le doigt en fait. Voilà. Oh écoute, j'allais dire un truc mais je ne veux pas le dire. Je n'ai rien dit. 7h34 sur Fun Radio, c'est DJ Just maintenant et I Want You, bon réveil. C'est Fun Radio, il est 7h36, il y a Taïo Cruz qui va arriver d'ici quelques instants, donc si jamais ça vous branche, eh bien ne bougez pas de là, on aura aussi l'infotrafic, ça aussi ça va débarquer d'ici quelques instants. Et puis est-ce que je vous remets notre petite invité mystère ou... Hein, je vous le remets ou pas la petite mystère? Ouais, avec plaisir, parce que franchement, là pour les oreilles, c'est un plaisir. Ah, mais c'est ça, tu vois, ça fait plaisir quoi, c'est le truc, t'arrives et ah tout, ouais, ça fait. C'est trop bon. Bah, je me disais bien que t'allais kiffer. Hein. Ouais, allez, ouais. Attention, je vais vous le remettre uniquement parce que c'est vous et parce que je vous aime bien. Écoutez bien, il y a une tablette numérique Lenko qui est à gagner ou un écran plat. Écoutez, à votre avis, qui est notre invité mystère? Calme. She gotta be from out of town. C'est pas mal quand même. Oh oui. C'est magnifique. Très agréable. Moi j'adore. Voilà, si vous avez une idée qui chante, donc c'est... Oh là là. Oh là là là là là. Qui chante, c'est cette magnifique chanson. Oh là là. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous n'hésitez pas, il y a des écrans plats à gagner ou des tablettes numériques Lenko d'une valeur quand même de près de 200 euros. On proposait Lady Gaga, Susan Boyle, non, Beyoncé. Oh, mais non, mais non. Voilà. Oh stop, arrête. On proposait, tu voulais, tu as. On proposait Selena Gomez également. Bah, j'en ai Keisha. Voilà. Oh là là là là, mais ça chillait. Oh putain, mes oreilles, pitié. J'avoue, c'est dur. Jessie J, non, c'est pas ça, non. C'est pas Fergie non plus, heureusement pour elle. C'est pas Pink. C'est pas Kesha. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 63. Attention, attention, attention. Tu prends ton pied là. Ah, j'adore. Voilà, bon, je vous remettrai un petit peu tout à l'heure, évidemment. Un point trop non faux. Il faut pouvoir garder les meilleures choses pour la fin, bien évidemment. Bon, alors attention, Julie nous avait parlé du top 10 tout à l'heure des artistes qui étaient les plus souvent recherchés sur Internet. Ouais. C'est ça, hein ? Ouais, c'est. Et donc là, j'ai le top 5 des rappeurs. Hein. Je vous avais fait découvrir déjà, évidemment. On dit qu'on est riche avec 50 euros là-bas. Ça fait 333 000 CFA. Voilà, c'était Amandine du 38, évidemment. Alors, il y avait aussi notre ami, un grand rappeur belge, Momo Crocro, Croco. Je suis Momo Croco, le matin dans mon monde, j'ai l'écho. Je suis affamé de manger des noix de coco. Mmh. Ouais, t'as vu un peu. Et on n'oublie évidemment pas Laura, la ouf de Beauvais dans le nord de la France. Ouais, je m'en fous de tout. Ouais, les racailles jusqu'au bout. Ouais, vive le Beauvais. On est toujours ici, on va foutre le bordel. Et bien aujourd'hui j'ai encore du très lourd avec Cyril Delouan. Alors attention, c'est du lourd, c'est du trop lourd. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Gros BD, fais pas le boss avec nous. Il y a du rythme, hein. Ah ouais. On sent qu'elle a pêche là-dedans. Attention, ouais. Hein. Avec non, ça mais... tu peux flipper grave. Hein. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que tu sens que le mec, tu vois, il prend un flow bien calme et tout, et après il dit que des trucs archi violents. Exactement. Ah ouais, ouais. D'ailleurs justement, écoute bien. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Oh là là. Gros BD. Ah ouais, grosse insulte en plus. Ah oui, c'est sympa. T'as vu, sympa, c'est sympa. Classe. On va vous mettre la vidéo sur le blog là pour que vous puissiez voir sa dégaine. Ça vaut le détour. Hein. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vous le remets un petit coup. Si t'as pas compris, on va te séquestrer. Gros BD, fais pas le boss avec nous. Bolos. Bolos. Voilà. 7h40, hein, je vous mettrai ça sur amikael.fm d'ici quelques instants. Ne bougez pas de là. Dans un instant sur Fun, c'est Tayo Cruz qui arrive avec Florida et Hangover sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio, l'info trafic, que se passe-t-il sur les routes déjà ? Je vous rappelle cette manifestation nationale annoncée aujourd'hui à Bruxelles, embarras de circulation qui toucheront dès 9h30 le boulevard Simon Bolivar. Le cortège des manifestants quittera ce boulevard vers 10h30 pour rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la Petite Ceinture sont fermés depuis 7h ce matin et ce jusqu'à 14h. Cela concerne les tunnels Léopold de Rogier, Botanique, Madou et Arlois. Et puis également accident sur le 403 Bruges en direction de Courtrai tournait à hauteur de Tour Out, bande de gauche qui est obstruée. Et puis objet encombrant sur le 40, Gand en direction de Bruxelles à hauteur de Ternat, bande du milieu obstruée par des pots de cuisson. Très bien, bon bah voilà, faites gaffe si vous êtes sur la route, bon courage également aujourd'hui, vous allez en avoir besoin, ça c'est clair. Oui, parce qu'on rajoute la pluie à tout ça, bien sûr. Ah bah bien sûr, évidemment, sinon c'était pas drôle. Dans un instant, la ligne anti-relou sur Fun Radio et le son de Tayo Cruz maintenant et Florida Hangover. Tayo Cruz tous les matins.

dans ce décès. Et puis enfin, en sport football, en Europa League, Anderlecht a battu Athènes 1-2. Les Mauves n'avaient même pas besoin de gagner ce match. Ils étaient déjà assurés de participer au 16e de finale. On vous rembourse vos factures dans quelques instants sur Fun Radio. Petit rappel de comment ça fonctionne juste après la météo. Météo maintenant, justement, quel temps magnifique pour ce week-end de prévu. Bah écoute, déjà aujourd'hui, une zone de pluie va traverser le pays. Elle devrait perdre peu à peu de son activité en fin de journée. Donc des éclaircies se propageront de la côte vers le centre. Température de 6 à 9 degrés. Ce week-end, eh bien, on sort les parapluies. Hein. Ouais. Ça va pas être terrible. Ah non, là, ça risque de pas être terrible du tout, effectivement. 8h04 sur Fun Radio, c'est dans 30 secondes que je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Fun Radio. Fun Radio. Allez, on rembourse vos factures dans quelques instants. 63-22 en débutant votre message par facture. Avec le montant et avec l'objet de la facture, vous nous envoyez le tout. Ça vous coûte 1 euro le message. Et puis si on vous rappelle, eh bien, on vous la rembourse, cette facture, intégralement et immédiatement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Pour info, tout à l'heure, ce n'est pas tombé car on est tombé sur un répondeur. Donc on a décidé, comme c'est la règle, quand ça ne décroche pas, eh bien, de ne sélectionner que ceux qui s'inscriront entre 7h10 et 8h10. Voilà. Bonne chance tout le monde, il vous reste encore quelques minutes pour vous inscrire, 3-4 minutes grand maximum. On signale 50 minutes pour 12 km parcourus de Warem à Liège. Il en reste 40 à parcourir pour déposer tout le monde à l'école avant 8h25, lol. Et même pas encore arrivé sur l'artère centre-ville, place Saint-Lambert. Vive les bouchons, c'est Pitchounette de Liège. Alors si vous imaginez, si déjà à Liège où il était censé ne rien avoir... Comment ça va se passer à Bruxelles où on attend les 50 000 ? Mais c'est-à-dire que les transports en commun roulent beaucoup moins. Donc, oui, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, les gens prennent plus leur voiture un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. C'est vrai. Bon, en tout cas, bon courage à tous ceux qui sont effectivement dans les bouchons là ce matin, plus particulièrement ce matin encore. 8h06, quelle est l'info en plus ? Eh bien, moi, je voulais vous parler ce matin d'une tendance qui fait un petit peu peur quand même. C'est le no-shampoing. Oh, quelle horreur. C'est-à-dire que bon, ça touche surtout les femmes, hein, parce que bon, vous, les hommes, les shampoings, bon, vous avez oublié depuis longtemps. Blague ou quoi ? Non, non, mais voilà. Donc, c'est des femmes poussent la tendance donc jusqu'à ne pas à se laver moins les cheveux, mais aussi à ne plus laver les cheveux du tout, en fait. Mais oui, c'est soyez pour crado. Laisser les cheveux respirer. Oui, laisser vivre. Les laisser évoluer tels mais qu'ils poussent sur notre tête. Rester dégueulasse, c'est donc, vachement bien, vous allez voir. C'est pas seulement pour les plus paresseuses et les plus fauchées, hein, c'est aussi celles qui militent pour l'environnement, parce que bon, il y a plein de crasse, soi-disant, dans les shampoings. Donc il y a ce mouvement de rébellion qui prend de plus en plus d'ampleur. Et alors on rappelle quand même que les partisans rappellent que le shampoing ne fait partie que des habitudes récentes, parce que jusqu'en 1860, les gens utilisaient le même savon pour le corps et pour leur tignasse. Donc voilà, c'est de plus en plus de gens qui pratiquent le no-shampoing, parce qu'en plus, certains scientifiques ont également démontré que les produits chimiques qu'ils contiennent peuvent être terriblement toxiques. Alors oui, voilà, ça, ne d'accord. nous lavons plus les cheveux. Mais oui, quel laissons bon conseil. Les vivre. Et ne nous lavons plus tout court, que mais tout voilà. le monde oui. ne pue dorénavant. Mais bien sûr, crado. Si mais tout le monde oui. pue, plus personne ne sentira qui pue vraiment. Tu exactement. Vois moi, je oui. propose que nous rebaptisions l'émission le Morning des crados. Oui, mais c'est voilà. ça, avec que du crado. Très bonne voilà, idée. Quelle bonne idée, tiens. 8h07 sur Fun Radio. On vous rembourse vos factures dans un instant et on écoute Florida tout de suite comme promis. Florida, c'est Good Feeling, bon réveil sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Tous les matins sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures. 7h10, 8h10 et 9h10. Dans un instant, on écoutera Rihanna aussi avec Calvin Harris. Et donc, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Vous l'avez compris, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite donc pour qu'on lui rembourse ses factures. Enfin, sa facture en l'occurrence. C'est parti, si il ou elle décroche, c'est gagné. Allô ? Allô ? Ouais, qui c'est ? Allô ? Allô ? Bonjour ! Bonjour, qui paye les factures le matin ? Bah, Stéphane, hein ? Eh oui ! Bonne réponse, comment tu t'appelles ? Bérangère ! Bérangère ! Tu es dans quelle ville, Bérangère ? Je suis à Elzel ! Très bien, c'est où ? Elzel, tu ne connais pas Elzel ? Non. Mais enfin, c'est à côté de Lessines ! Ah! Eh oui, enfin! Ah ouais. Bah, je suis désolé, je connaissais pas. Donne un petit cours de géographie. C'est entre Lessines et Grammont. Ah, voilà, voilà, alors oui, Grammont. Ça, effectivement, ça. Effectivement. Bon, eh bien, écoute, Bérangère, bravo à toi, on va te rembourser une facture pour. Pour les immondices, comme c'est sympathique. Eh oui! Eh oui, il faut payer les poubelles, hein. Eh oui, il faut payer les poubelles, hein. Quelle bande de salauds, quand même, les politiciens, à faire payer la poubelle. C'est clair. Dégueulasse. Bon, bah, Bérangère, on va te rembourser ça, tu restes au standard. Tu vas où là? Tu vas au travail? Oui, oui, là, c'est sur la route. T'aurais dû nous envoyer une facture de ton nouveau kit main libre, hein. Ouais, ouais, je sais, mais c'est la voiture. voiture. Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais, je te confirme. C'est ça le problème quand on roule en deux chevaux, ça fait beaucoup de bruit. Bah ouais, j'imagine. Bon, Bérangère, reste bien au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton virement rapidement, d'accord? D'accord, c'est cool, merci. Salut Bérangère, bon week-end. Enfin, bonne journée d'abord et bon week-end ensuite. Gros bisous. Oui, merci. Ciao à vous, ciao, ciao. Bon, allez, on remet le couvert tout à l'heure, une dernière fois, la dernière fois de la semaine. 63-22, vous débutez le message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Bonne chance tout le monde. Et dans un instant sur Fun, c'est Rihanna avec Calvin Harris et We Found Love. Et je vous mettrai encore notre invité mystère là, à découvrir dans quelques instants. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h16 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans quelques instants, on écoutera le son de OJ avec Friday Night. Et puis, oui, je vais vous le remettre évidemment avant de faire l'horoscope. Notre invité mystère du jour. Notre invité mystère qui va vous permettre de repartir avec une tablette numérique Lenko, valeur 200€ quasiment. C'est quand même sympa. Écoutez bien si vous arrivez à découvrir qui chante ça. C'est Julie, je l'ai reconnue. Mais non, il y a un auditeur qui proposait Julie sous sa douche. Mais ouais. Non, c'est pas moi, malheureusement. Je chante. Encore moins bien, je pense. Personne dirait une truie là. Eh oui, à mon avis, de faire du playback et avait l'enregistrement du micro quoi. Voilà, si vous avez la bonne réponse, oh, quelle horreur. 63-22, débutez votre message avec la réponse tout simplement et vous repartirez peut-être dans un instant avec tout simplement soit un écran plat, soit la tablette numérique Lenko, valeur quasiment 200€. Bonne chance tout le monde. Et on signale également, il y a Anne qui est sur la E19 en direction de Bruxelles. Il faut compter 50 minutes de plus que d'habitude pour passer le bouchon quotidien entre Halle et Heusingen. Bonne chance. Tout va bien. Eh ben, tout va très bien, ouais. Bonne chance à Anne et bonne chance à tous les autres qui sont dans les bouchons et qui nous écoutent. Encore un petit coup. Oh, je kiffe. J'adore ce son. Mais ouais, c'est déchiré. Moi je dis faudrait le mettre en journée aussi. Mais ouais, grave. On proposait Rihanna, ce n'est pas la bonne réponse, bien sûr. Oh, je suis fan. Allez, l'horoscope, c'est parti. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson, Doudou, là? Ah, moi, j'adore. Moi, de toute façon, à Poids de Homme, j'adore toutes les musiques. Ah, oui. On propose Avril Lavigne. Ce n'est pas ça, bien sûr. Hein, ça, vous l'avez deviné. Donc, 63-22, c'est un euro le message. Si vous avez la bonne réponse, une tablette numérique Lenko a gagné. Bonne chance. Bon, Doudou, on va se faire l'horoscope directement, là. Ah, bah oui, moi, je vous attends. Vous savez, moi, je suis là. Je chante, je danse. Allez, les béliers. Ah, les béliers, faites un peu attention à votre rapport à l'argent. Je vous l'avais déjà dit. Bah, oui, je sais. Les taureaux. Ah, les taureaux, les commérages vous énervent aujourd'hui, mais ne vous laissez pas emporter à faire de remarques irréfléchies. Les gémeaux. Vous êtes d'humeur à aller danser, alors remuez-moi ce gros cul. Les cancers, comme je dis. Même si vous ne voulez pas l'accepter, aujourd'hui chouchou ne vous gâtoie pas. Eh oui, ça arrive. Les lions. En ce moment, heureusement que je vais vous faire un blottin praline. Mais bah oui, ouais. Parce que ouais. Ça viendra pas de chouchou. Ah non, ça c'est sûr. Ah bon, les lions. Merci, en ce moment, il vous manque la volonté. Les vierges. Ne voyez pas tout en rose. Pensez à regarder la réalité en face. Les balances. C'est pas joli, joli. Ah non, ça c'est clair. Les balances. Ne vous laissez pas distraire. Poursuivez votre chemin avec détermination. Dans les bouchons, ça va être difficile. C'est sûr. Les scorpions. Détendez-vous et profitez de ce point mort. Et oui, de toute façon, votre voiture n'avance pas. Les sagittaires. Quand on perd une bataille, on peut tout de même gagner la guerre. Les capricornes. Alors, vous avez enfin remarqué que ce que vous faites est une perte inutile d'énergie ? Eh bien, économisez-vous, restez au lit. Les Verseaux. Aujourd'hui, vous n'allez connaître ni succès professionnel, ni rentrée d'argent. Et les poissons, pour terminer. L'amour vous donne des ailes et augmente votre vitalité. Eh ben voilà, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure pour la dernière fois de la semaine. Ben oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, retour de l'horoscope donc dans moins d'une heure. Dans un instant, ce sera la déclaration express avec Sébastien Loeb et on écoute OJ maintenant. OG sur Fun Radio avec Friday Night. Il est 8h22, bon réveil tout le monde. Et alors j'ai reçu un petit mail aussi de Maxime qui dit bonjour à vous tous via Molenbeek. C'est vrai que ça bouchonne un peu plus que d'habitude, mais sinon rien d'exceptionnel. Continuez comme ça, vous mettez de bonne humeur de gros matin, ça fait plaisir. Eh ben, merci à toi, voilà, Max. Tu me rassures un petit peu. C'est vrai, merci à toi, Max. Bon alors, et puis bon courage encore une fois à ceux qui sont éventuellement dans les bouchons aujourd'hui. Dans un instant, la réponse à notre invité mystère pour repartir avec la tablette numérique Lenko proposée par Paris Hilton pour l'invité mystère. Ce n'est pas Paris Hilton, ce n'est pas Willow Smith, la fille de Will Smith, ce n'est pas ça non plus. Donc si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas Britney Spears, ça c'était tout à l'heure Britney Spears, ce n'est pas non plus Gwen Stefani, ni même Doudou, et encore moins Julie bien évidemment. Voilà, et ce n'est pas Lady Gaga non plus, voici en gros les réponses que j'ai reçues, y compris la bonne, on tirera au sort parmi les bonnes d'ici quelques instants. Et nous avons Graziella qui est avec nous. Salut Graziella de la Louvière. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, Graziella, est-ce que tu peux me rendre un service, me faire plaisir? Oui. Peux-tu couper la radio derrière toi, s'il te plaît? Mais je suis dans une pièce parce que j'ai pas de radio. Ah bon. Parce qu'elle a pas de radio, ok. D'accord, bah écoute, alors c'est qu'il y a un écho dans le téléphone. Alors écoute, c'est pas grave alors, hein. Bon, Graziella, tu as 28 ans, on va faire une petite déclaration express maintenant. Tu veux qu'on appelle qui? Mon amoureux. Oui, bah je me doute bien, mais tu es avec lui depuis combien de temps? 7 ans. Ah, quand même, oui, d'accord, ok. Et tu veux qu'on l'appelle pour lui faire la déclaration express? Pourquoi en fait? C'est parce que ça va mal et que t'as envie que ça aille mieux? Ou oui, ça va bien et que t'as envie que ça aille encore mieux? Non, pas du tout, pour lui faire comprendre que je l'aime, c'est tout. D'accord, ok. Pour lui faire comprendre qu'il rentre dans la maison et tout de suite. Hein. Mais ouais. Bon, eh ben, écoute, on y va. Comment il s'appelle, Graziella, ton mec? Alessandro. Eh ben, c'est parti, on y va. Non, malheureusement, on n'y va pas. Attends une seconde. Hop là. Voilà, c'est parti, on y va. On appelle Alessandro. Tu lui dis que t'as un truc à lui dire et nous, on dégaine derrière, d'accord? Ça va, ok. Allez, ça c'est va. Parti. Allô. Allô, Chou, c'est moi. Chou. Oui. J'ai un truc à te dire, hein, écoute. Oh, si tu veux. Oh, sur Coolio. 1-1. Ouais, ouais. En place. Tranquille. Bien que t'as vu. Ouais, tu l'as rencontré il y a plus de 7 ans. Tu sonnais dans la Louvière comme un vilain garnement. Et là, direct, ouais, c'est elle qui t'a maté. Pendant qu'au salon de coiffure, elle patientait. Même que c'est un pote à toi qui a dû l'aborder. Car t'avais trop la teon, vêtu dans un short à fleurs. Mais pour draguer, c'est pas pratique. Car si t'as la trique et qu'elle te grille, elle te prendra pour un porc. Il fallait qu'elle te dise juste quelques mots. Merci bien pour ta patience, même si tu devenais fou. Elle te l'a jamais dit, mais 2 ans d'attente, c'était pas facile, c'est vrai, c'était long. Comment témoignent tes oignons? Ta meuf se dit parfois qu'elle aurait pu te faire attendre que 2 mois. Mais la vie c'est comme ça, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite à chaque fois. Paraît que t'avais l'air con, tes roupettes sortaient tout le temps de tes caleçons. Ouais, je sais que c'est pas mignon, t'aurais dû pratiquer la masturbation. Ouais, c'est auto-censure maintenant, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Alessandro? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, Graziella, ça va, t'as aimé, c'est ce que tu voulais? Oui, j'ai aimé, ouais. Eh bah, écoute, c'est le principal, bien, c'est le principal. Bon, Graziella et Alessandro, merci à vous en tout cas d'être passés sur Fun. Et puis vous restez. Et puis vous passez une bonne journée, passez un bon week-end également. Gros bisous tous les deux! Je voulais faire un gros bisou à Sarana et toutes mes collègues du L2, merci. Eh bah, je t'en prie, salut Graziella, salut Alessandro, à bientôt. Et puis bah, les autres, si vous voulez vous aussi faire une petite déclaration express, n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire au 6322, vous débutez le message par déclaration. Restez bien là, dans un instant la réponse à notre invité mystère. Et on écoutera aussi le son de Jason Derulo dans un instant sur Fun Radio. Allez, ça arrive dans un instant, restez là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. 8h29 sur Fun Radio, tous les matins on est en direct avec vous toutes et vous tous bien sûr. Vous balancez vos messages au 3044. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un embouteillage, ben venez nous le dire évidemment, hein. Et puis la réponse dans un petit instant. Donc par rapport à cet invité mystère, je vous le remets puisque l'homme avait quelqu'un et ça a raccroché. Donc le temps qu'il rappelle quelqu'un d'autre, hein, je vous remets un petit extrait maintenant là. Voilà, quel talent quand même. Bon, la réponse au 6322, donc si vous... Ah bah c'est bon, là, on a quelqu'un a priori, là. Hop là là, juste vite fait avant les infos, là. Bonjour, qui est avec nous? C'est Max. Salut Max, comment vas-tu? Ça va? Bah tant mieux. Max, t'as l'air surpris. Oui, il a l'air un petit peu étonné. Ouais, je suis un peu sur le cul. Bah dis donc alors, c'est pas grave, Max. Dis-moi, t'es dans quelle ville? Moi, je viens de Bercelles. Bercelles, d'accord, ok. Donc c'est à Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun. Et tu nous as envoyé la bonne réponse, j'espère en tout cas. Qui chante cette magnifique chanson là? Miley Cyrus. Eh ben Miley Cyrus. Enfin, chante, tout est relatif évidemment. Bon, en tout cas, bravo, ça te permet de repartir avec une tablette numérique Lenko d'une valeur de près de 200 euros. Bravo à toi, Max. Oh là là. Eh ben ça fait plaisir, quelqu'un qui est content de grand matin là. Bon, ben Max, reste avec nous, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidement, d'accord? Ok. Allez, salut Max, à bientôt. Merci. Il est content, ça fait plaisir. On aura tout à l'heure un autre invité mystère, donc restez bien là. Et puis l'info maintenant à 8h31, c'est avec Julie. Bonjour à tous, allez, on commence avec une bonne nouvelle. La circulation des trams est meilleure que prévu ce matin à Bruxelles. Je croyais meilleure que d'habitude, je me dis tiens. Bah, meilleure que prévu parce que je vous rappelle que 50 000 personnes c'est sont vrai. Attendues dans les rues de la capitale. Les syndicats protestent contre les mesures d'austérité pour faire face à la crise de la dette et appellent à une manifestation nationale, manifestation qui causera des problèmes de mobilité dans le centre de la capitale et en périphérie. Les manifestations se donne rendez-vous à 9h30 à la gare du Nord pour ensuite rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la Petite Ceinture sont fermés depuis 7h ce matin, fermés à la circulation jusqu'à 14h et la police conseille d'éviter le centre de la capitale. Bien que les trains devraient rouler normalement à Bruxelles, les navetteurs pourraient connaître des problèmes de mobilité. Les réseaux de la STIB, DETEC et de l'AINE sont perturbés. Les bus roulent très peu en Wallonie, les écoles restent ouvertes mais les cours pourraient être suspendus car les profs sont appelés eux aussi à manifester. Politique, l'accord global a été voté. Le formateur Elodie Rupo a présenté le projet d'accord au roi hier durant une heure. Le nouveau gouvernement d'Yves Rupo Ier devrait prêter serment au début de la semaine prochaine. De son côté, Yves Le Terme présidera tout à l'heure son dernier conseil des ministres avant de prendre le cap de l'OCDE à Paris où il deviendra secrétaire général adjoint. Un professeur de religion musulmane qui donnait des meilleures notes à ses élèves voilés a perdu son recours. L'homme de 58 ans enseigné à l'Athénée Verdi de Verviers. Les faits remontent à 2004. La communauté française l'avait alors sanctionné de 4 mois de suspension avec un salaire réduit de moitié. L'enseignant avait ensuite attaqué la communauté française devant le Conseil d'État, lui demandant d'annuler la sanction ou la suspendre. Eh bien, le Conseil d'État a décidé de rejeter cet appel pour manque de sérieux. Un vaccin tue un bébé à Charleroi. Les faits remontent à la mi-octobre. Un couple de Couillet a perdu une de leurs petites jumelles âgées de 2 mois et demi. Après l'injection de vaccin à la clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies, les parents déclarent qu'ils n'ont appris qu'après le décès les risques courus par leur enfant en raison de la administration des vaccins. Toujours selon eux, il n'a pas été suffisamment tenu compte des antécédents familiaux de la petite. La plainte ayant été déposée contre X, l'enquête doit maintenant tenter d'établir où se situent les éventuelles responsabilités dans ce décès. La Belgique est 19e au classement de la corruption selon le rapport annuel de Transparency International. Comparé aux pays de l'Union européenne, elle se place derrière le Danemark, la Finlande et la Suède. Et puis en ce football en Europa League, Anderlecht a battu 1-2 Athènes. Les Mauves n'avaient même pas besoin de ce match pour gagner. Ils étaient déjà assurés de participer au 16e de finale. Et on signale également un petit message de David par SMS qui dit « Mickaël, c'est toujours bien le bordel sur le ring à hauteur de Heusingen. Donc endroit à éviter à tout prix. » Voilà, comme ça vous le savez, si jamais vous devez passer par là, bah, préférez plutôt un autre chemin. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Jason Derulo qu'on va écouter avec Hit Girl. Et puis à 8h34, c'est parti maintenant pour la météo. Bah, il y a une bonne zone de pluie au-dessus du pays hein, pour l'instant. Mais elle va normalement perdre de son activité en fin de journée, dont des éclaircies se propageront de la côte vers le centre. Les températures atteignent 6 à 9 degrés cet après-midi. Ce week-end, eh bien, on sort les parapluies hein, parce qu'on va le passer sous la flotte. Eh bah, génial, bonne nouvelle, tiens. Bon, et puis un message qui dit putain, vous venez d'appeler mon frère, j'ai trop la mort. Il est bien jaloux, ouais, à mon avis. Eh ouais. Oh, t'auras qu'à lui demander à prêter la tablette numérique qu'on vient de lui filer, là. Tu vas voir, il va dire oui. Ou pas. Bien sûr. Bon, à 8h35, l'info en plus. L'info en plus, c'est que bah, l'info en plus, quand même, assez rigolote, c'est assez spécial, c'est qu'une école du sexe ouvre ses portes en Autriche. Ah, sympa. C'est la première école du sexe au monde. C'est une Suédoise qui souhaitait apprendre à ses élèves à devenir de meilleurs amants. Mmh. Alors, toute personne âgée de plus de 16 ans peut s'y inscrire, mais pour devenir un spécialiste du genre, il faudra quand même dépenser 1 600 euros par trimestre. Ah oui, quand même. C'est quand même assez énorme. Ah oui, c'est une belle somme. Hein. Alors, la formation est proposée en pension complète avec des dortoirs mixtes où les étudiants devront mettre en pratique leurs devoirs. Alors, moi, je pense que d'ici peu, ça va virer en bordel tout ça. Oui, c'est ça, probablement, oui, à mon avis. Bon, bah, 8h35 sur Fun Radio. Tiens, un message de Bérangère qui dit j'ai participé à 8h10 pour rembourser ma facture, mais personne ne me rappelle. Oui, c'est normal, tu n'auras peut-être pas dû raccrocher, Bérangère. On va te rappeler tout à l'heure, t'inquiète pas. 8h35 et Jason Derulo maintenant qu'on écoute. C'est Hit Girl sur Fun Radio et juste après, c'est notre ami Julien Dorien, évidemment, comme chaque matin sur Fun Radio. Mais quel magnifique talent de... Oui, je sais très bien siffler. Ah, tu siffles super bien, Julie. Wow. C'est un de mes nombreux talents. Ah bah dis donc, bah, faut le mettre plus en avant, n'hésite pas. Écoute, hein. Je sifflerai quand tu veux. D'accord. Bon, allez, Mifao arrive dans un instant sur Fun Radio avec Sexy and 908. Dans un instant, notre nouvel invité mystère. Mais avant cela, comme chaque matin, vous le savez, il y a Julien Dorien qui officie tous les soirs entre 17h et 20h avec Evan dans la tribu. Et tous les matins, nous avons bien sûr le meilleur moment de ce grand reporter qui est toujours au taquet, bien évidemment, toujours là, toujours prêt à aller n'importe où dans le monde pour l'actualité. Et ça, c'est beau. L'information aujourd'hui touche beaucoup de foyers. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a une étude qui a été réalisée sur les parents qui séparent. Et alors, seulement 15% des pères voient leurs enfants autant que leur mère. Alors, les pères qui se retrouvent souvent à voir leurs enfants les week-ends et pendant les vacances scolaires. Alors, pour tenter de répondre à ce problème, essayer de trouver des solutions, j'ai comme chaque jour contacté notre spécialiste de l'info, Julien Dorien. Oui, sur ce sujet-là, je suis d'accord avec vous, monsieur Milan. Je crains le pire. Julien, vous êtes là, s'il vous plaît ? Oui, oui, Vadou, je suis là. Bah, écoutez, hein, les week-ends et les vacances, moi, je trouve que c'est déjà trop. Voilà, moi, j'en ai un, je suis désolé, c'est galère à garder ce machin. Là, de pisser, bon. Oh, comment ça ? Bah, c'est vrai que je le descends pas souvent, quoi. Bon. Et sa mère n'a pas donné sa laisse, du coup, il se barre tous les côtés. Ah. Bon, bah, en bouffe, il me coûte pas cher. Hein. Dès que je lui mets la gamelle devant la gueule, il mange rien. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Il parle. Quoi ? Ouais, t'as bien entendu, il parle. Mais attendez, Julien, c'est de votre fils dont vous parlez là. Vous parlez de votre fils. Mon fils ? Bah oui. Oh putain ! C'est moi qui fais ce truc-là ? Ouais, apparemment. Quelle horreur, il est moche. Mais ça fait 2 semaines que je le fais dormir dans le jardin. Ah, oh, mais je comprends mieux pourquoi il me demandait d'aller à l'école. Oh, merde. Mais qu'est-ce que je lui fous de ce bordel, moi ? Je l'avais pas reconnu, dis donc. Bah, il a changé par rapport à la dernière fois. Hein. Bah, ça m'arrange pas trop, ces conneries-là, par contre. Comment ça, ça vous arrange pas trop ? Bah, tu peux rien faire avec un gamin. Bah, je me rappelle que la dernière fois où je l'ai gardé, là, j'ai voulu sortir dans un bar avec les collègues. Tu sais c'est quoi le pire ? Non. Il a commandé un coca. J'avais honte. Enfin, il va quand même pas picoler. Ça reste un gamin, c'est un enfant, quoi. Donc, c'est interdit. Ah, bah, je lui ai mis du whisky dans son verre. Oh, il en a bu 2, il était dans un sale état. Oh non. Oh, c'est bien foutu de sa gueule avec les collègues. Hein. Oh, par contre, il est devenu tellement chiant, le moche, que j'ai dû faire sortir par le videur. On dit pas moche, je crois qu'on dit mioche plutôt, Julien. Oui, mais lui, il est moche. En plus, il avait pas un pet de monnaie pour payer ses consos. Attends, oh, quand t'as pas de thunes, tu vois pas, tu fermes ta gueule. Mais il a quel âge, Julien, il a quel âge, votre enfant ? Bah, je doute que ça soit le mien, en fait. Parce que si c'était vraiment le mien, il serait pas bourré après 2 whisky coca. Je sais pas quel âge ça a, ce bordel. Hein. Vous croyez que c'est écrit dessus ? Non, je crois pas que ça soit écrit dessus. Quand on vous entend, on comprend pourquoi les juges accordent la garde aux mamans. Hein. Je crois que Noémie sera d'accord avec moi. Exactement. Allez, merci Julien. De rien. Et voilà, Julien Dorien qui revient bien évidemment tout à l'heure à partir de 17h dans la tribu avec Evan. Et écoutez bien maintenant pour repartir avec la dernière tablette Lenko. Écoutez bien notre nouvel invité mystère, c'est du caviar. Faut voir ça comme ça. Hein. Bon alors, oh merde, il y a une pub d'abord. Je suis quand même bien con là. Oui, un petit peu. Ah oui, mais ça c'est sur des trucs de vidéo là. Il y a des pubs, une pub pour une voiture. On s'en fout de la voiture, nous on voulait notre invité mystère. Mm-hmm. Bon, allez, on y va. L'invité mystère, écoutez bien, si vous avez la bonne réponse, si vous devinez qui chante ça, vous repartez avec une tablette numérique Lenko. Écoutez bien, c'est parti. Allez. C'est très très ouais. Oh là là. Oh là là. Oh Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, hein, qui chante cette horreur là, n'hésitez pas. 6322, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats ou des tablettes numériques Lenko qui sont à gagner. Bonne chance tout le monde. Et comme promis, c'est Mémé Fao qui arrive dans un instant au Sexy and I Know It sur Fun. Et puis on parlera également de l'infotrafic d'ici quelques instants. Sexy and I Know It. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Ouais, et ce matin, c'est un peu compliqué pour vous. Hein. Si vous êtes dans les embouteillages, effectivement, je pense que ça peut être un peu le bordel. L'infotrafic, justement, maintenant, que se passe-t-il? Bah oui, je vous rappelle qu'une manifestation nationale est annoncée à Bruxelles aujourd'hui. Les embarras de circulation toucheront dès 9h30 le boulevard Simon Bolivar, parce que le cortège part de la gare du Nord pour rejoindre la gare du Midi. Les tunnels de la Petite Ceinture, donc Léopold II, Rogier, Botanique, Madou et Arlois, sont fermés depuis 7h ce matin et ce jusque 14h. Et puis sinon, à part ça, accident sur le 313 à Celt en direction de Antwerpen, donc de Anvers à hauteur de Wommelgem. Il y a des files à cet endroit, déjà 3 km de bouchon. Accident sur la 503 à hauteur de Marcinelle en direction de Charleroi, c'est la bande de gauche qui est obstruée, la circulation est ralentie. Et puis accident sur le petit ring de Charleroi à hauteur de Charleroi-Port-au-France, le passage est difficile au kilomètre 1.5. Bon, bah en gros, si vous pouvez rester chez vous, bah surtout restez ici en fait. Hein. Oui, si possible. Je pense que là c'est un peu... Deux heures il fait mauvais, donc finalement vous avez rien à faire dehors. Vraiment. 8h47 sur Fun Radio, la ligne anti-relou c'est dans un instant. Et le son des MFAO c'est tout de suite. Sexy and I Know It maintenant sur Fun Radio. Bon réveil. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou sur Fun Radio chaque matin, donc à 7h-10, 8h-10 et 9h-10, les meilleurs messages des relous en général, les plus gros relous de Belgique, qui peuvent terminer justement sur la ligne anti-relou. Le 0 473 86 00 13, on va écouter maintenant le premier message. Écoutez bien. Oui, je t'aime super fort, tu es la femme de ma vie, franchement, je pense qu'à toi toute la journée, je sais plus où donner la tête, je t'aime très très fort et vivement ce soir, bisous, je t'aime, c'est Vincent, voilà. Déjà, il avait oublié son prénom. Hein. Merde, comment je m'appelle? Vincent, c'est Vincent, voilà. Parce que tu comprends, il en a plusieurs, donc il donne pas toujours les mêmes prénoms. Mais bah oui, mais j'imagine. C'est surtout que la meuf, elle en a peut-être plusieurs. Si ça aussi, c'est Vincent. Ça ah aussi. Oui, peut-être aussi. Il vaut mieux préciser parfois, c'est vrai. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, ben inconnu. Je m'amuserais bien à te mettre de la crème de chantilly, oui. Et je lâcherai partout. Et je te dévorerai. Comme un bon casse-croûte. Comme c'est romantique en plus, c'est comme petite phrase. Hein. Romantique, ça donne envie, tout ça, c'est beau, hein, c'est beau, c'est très beau. Allez, dernier message. Oui, bonjour, je téléphone de la porte de Bigoudin, je suis Madame Benadji. Donc je vous confirme bien que je veux les 3 iPhone 5 qui vont sortir pour 100€. Il n'y a aucun souci, c'est un petit peu comme la base de l'iPhone 4. Oui, merci mamie spécialiste dans l'high-tech. Hein. Donc, elle va pouvoir l'attendre un petit bout de temps. Je pense que l'iPhone 5 à 100€, elle l'aura d'ici 7 ans. Il faut le temps qu'il sorte, puis après il faut le temps qu'il descende de prix. Oui, tu vois, surtout donc, ça, pour arriver à 100€. Ouais. Voilà, donc elle l'aura d'ici 7 petites années, donc ça va tranquille. La ligne anti-relou, retenez bien le numéro car le week-end arrive et forcément vous allez devoir certainement en avoir besoin. 0 473 86 00 13. Dans un instant, je vous remets un petit coup de l'invité mystère et puis on nous signale encore un problème. Évidemment, c'est le bordel sur le ring, là, le E19 en partant de Nivelles jusqu'à la sortie Ezel. C'est bouché de chez bouché. Ça nous fait quoi? Ça a 30 bornes? Hein, de Nivelles à Ezel à peu près. À peu près. À la louche, on n'est pas dans le détail, hein, à la louche évidemment. Et bah bon courage, voilà, franchement bon courage à tous ceux qui sont sur la route. On va s'écouter justement Britney Spears. Alors est-ce que c'était notre invité mystère tout à l'heure, est-ce qu'elle va aussi chanter Because I'm in love with a criminal? Ça va être comme là, ça ou bon, ça va être la version studio? Les studios qui ont mis Oh, c'est dommage. Les voix. Ouais. Ça aurait été bien comme ça. But I'm in love with a criminal. Ça aurait été pas mal, je crois. T'es prêt pour te lancer dans la chanson, toi. Oui, mais je pense également. Si comme Britney, je peux être blindé, ça m'intéresse. Cause my mom in love with a criminal. Je pourrais le faire, hein. On avait l'invité mystère tout à l'heure, c'était Britney. Je pourrais faire pareil que l'invité mystère. C'est vrai, j'ai mes chances quand même, non? Ah oui, non, mais là, c'était bon, en tant que là. Grand chanteur, de grand talent. Apparemment, pour gagner des millions, il faut chanter très mal. Tout à fait. Je vais me lancer dans une nouvelle carrière. C'est vrai. D'ailleurs, on avait Miley Cyrus tout à l'heure au niveau de notre invité mystère. Qui chantait tout aussi mal. Hein. Et là, nous avons. Oui, ça, c'est voire pire. Et là, nous avons encore un autre invité mystère. Je vous le fais écouter d'ici quelques instants. On avait appelé un hôtel tout à l'heure pour voir si les manifestants pouvaient aller prendre le petit-déj. Il nous a dit de rappeler, donc on rappelle. C'est ça. Voilà. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Joseph. J'ai appelé tout à l'heure là. Hein? Allô? Oui, allô, c'est Joseph. Oui, Joseph. Ouais, de l'intérêt syndical. Donc j'ai appelé tout à l'heure là pour voir comment ça pouvait se passer. Ben, je sais pas, écoute, Joseph, moi je vais t'avouer, je suis comme toi, j'ai faim aussi, hein, mais si tu veux m'inviter chez toi, je viens manger alors. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, avec les collègues, je pense qu'on fera un barbecue ce week-end. Donc moi, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Hein. Ok, mais alors donne-moi ton numéro. Ouais, alors donc c'est le 0400 73 ouais. 86 ouais. 00 ouais. 13. Ok. Ok, tu me rappelles, tu me laisses un message et puis il n'y a pas de souci, on s'arrange quoi. Ok, on s'arrange, Joseph, ça va. Et, mais pour aujourd'hui alors? Mais c'est pas chez moi, je peux pas t'inviter, c'est pas possible. Par contre, si tu viens chez moi, c'est avec plaisir. D'accord, eh ben, écoute, tu m'appelles et puis on s'arrange pour se faire ça. Pour le barbecue, ouais, ça va. Allez, okay. Bonne journée, Joseph. Allez, salut. C'est quoi ton nom? Parce que tu m'as pas dit. Mon nom? Bah oui. C'est Guido, G-U-I-D-O. Ok, bah Guido, on s'appelle, on mange ensemble alors. Hein. Allez, Joseph, bonne journée, hein, bonne merci, manifestation. Merci, et soutien à la manifestation, hein, soutien au mouvement. Hein. Oui, mais je le soutiens, je le soutiens. Merci Guido. Hein. Allez, camarades, pour des sous. Hein. Il est parti. Bon, je me demande s'il va laisser un message sur Aline Anti-Relou, tiens. On verra. Bah oui, parce que c'était le numéro d'Aline Anti-Relou, évidemment. Ouais. Oui, c'est pas mon numéro, mais vous pouvez m'appeler quand même. Ben oui, vous pouvez essayer quand même si vous voulez, pas de problème. Bon, dans un instant sur Fun Radio, je vous remets un petit coup de notre invité mystère. On aura l'info avec Julie. On écoute Andy Grammer maintenant. Keep your head up sur Fun Radio. Andy Grammer sur Fun Radio, keep your head up. Dans un instant, on vous appelle pour vous rembourser vos factures. C'est dans 10 minutes que ça va se passer. Donc restez bien sur Fun Radio pour vous inscrire. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant sur Fun Radio, Gym Class Heroes également avec Stereo Earth et Adam Levine, la voix de Maroon 5. Ça arrivera juste après l'info sur Fun Radio. Restez là. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Oui, mais j'entends plus rien dans mon casque, c'est mon problème évidemment. Enfin bref, il est 9h ce matin, bonjour tout le monde. Nous allons passer maintenant à l'info. L'info, c'est avec notre ami July. Et notre ami July qui va nous avancer également pas mal de problèmes sur les routes, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, enfin on commence quand même avec une bonne nouvelle. La circulation des trams est meilleure que prévu ce matin à Bruxelles. Ouais, je vous rappelle que 50 000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale. Une journée très compliquée en vue. Dans et aux abords de la capitale, la voiture est à éviter, les trains roulent, mais la STIB et les TEC sont partiellement en grève. Les syndicats protestent contre les mesures d'austérité et le budget 2012 qui a été voté par les négociateurs. Ils appellent donc à une manifestation nationale. Manifestation qui causera donc des problèmes de mobilité. Les manifestants se donnent rendez-vous à 9h30 à la gare du Nord pour ensuite rejoindre Bruxelles midi. Les tunnels de la Petite Ceinture seront fermés à la circulation à partir de 10h et la police conseille d'éviter le centre. Les écoles restent ouvertes mais les cours pourraient être suspendus car les profs sont appelés à manifester. Politique, l'accord global a été voté. Le formateur Elio Di Rupo a présenté le projet d'accord au roi hier durant une heure. Le nouveau gouvernement Di Rupo premier devrait prêter serment au début de la semaine prochaine. De son côté, Yves Le Terme présidera tout à l'heure son dernier conseil des ministres avant de prendre le cap de l'OCDE à Paris où il deviendra secrétaire général adjoint. Un professeur de religion musulmane qui donnait des meilleures notes à ses élèves voilés a perdu son recours. L'homme de 58 ans enseigné à l'Athénée Verdi de Verviers, les faits remontent à 2004. La communauté française l'avait alors sanctionné de 4 mois de suspension avec un salaire réduit de moitié. L'enseignant avait alors attaqué la communauté française devant le Conseil d'État, lui demandant d'annuler la sanction. Le Conseil d'État vient de rejeter cet appel pour manque de sérieux. Un vaccin tue un bébé à Charleroi, les faits remontent à la mi-octobre. Un couple de Couillet a perdu une de leurs petites jumelles âgées de 2 mois et demi après l'injection des vaccins à la clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies. Les parents déclarent qu'ils n'ont appris qu'après le décès, les risques courus par leur enfant en raison de l'administration des vaccins. Toujours selon eux, il n'a pas été suffisamment tenu compte de ses antécédents familiaux. La plainte ayant été déposée contre X, l'enquête doit maintenant tenter d'établir où se situent les éventuelles responsabilités dans ce décès. Et puis enfin, en sport, football. En Europa League, Anderlecht a battu 1-2 Athènes. Les Mauves n'avaient même pas besoin de ce match pour être assurés d'être en 16e de finale. Il est 9h02 sur Fun Radio. Bon réveil, 9h03 même. Bon réveil tout le monde. C'est la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui ? Eh bien, une zone de pluie traverse le pays. Elle devrait perdre peu à peu de son activité en fin de journée. Donc des éclaircies pourraient apparaître. Température de 6 à 9 degrés ce week-end. Eh bien, c'est toujours de la pluie. Eh ben très bien, bonne nouvelle tiens. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures également. Restez bien là, ça se passe au 63-22. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, il suffit de vous inscrire dès maintenant. On l'appelle dans 5 minutes. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Ne bougez pas de là. On revient juste après ça avec l'info en plus. Fun Radio. Et comme promis, Jim Classy Rose dans un instant sur Fun Radio. Mais avant cela, évidemment, l'info en plus. Quelle est l'info en plus ? Mais arrêtons de nous laver les cheveux. Mais oui, soyons crades. En tout cas, c'est ce que demandent les adeptes du no shampoing qui sont de plus en plus nombreux. C'est la volonté de laisser les cheveux respirer, évoluer tels qu'ils poussent sur notre tête. C'est pas seulement pour les paresseux ou les fauchés, c'est aussi pour ceux qui militent pour l'environnement. Parce que, bon, dans les shampoings, il y a quand même pas mal de produits chimiques. Et donc, les partisans de ce concept donc du no shampoing, de laver le moins possible ses cheveux ou carrément plus du tout, eh bien, il rappelle que le shampoing ne fait pas partie des habitudes depuis toujours, en fait, puisqu'en 1860, les gens utilisaient le même savon pour le corps et pour leur tignasse. C'est seulement en 1930 que le premier vraiment shampoing tel qu'on le connaît est apparu. Donc voilà, arrêtons de nous laver les cheveux. Oui. En plus, certains Freedom for the cheveux. Oui, exactement. Et en plus, certains scientifiques ont également démontré que les produits chimiques qu'ils contiennent peuvent être terriblement toxiques. Donc voilà, continuons à nous doucher, mais évitons notre tête. Soyons sales, on va même plus se laver, nous brossons plus les dents, car il y a aussi des produits dégueulasses dedans. Mais donc... voilà, la préhistoire, on n'utilisait rien de tout ça. Mais oui, soyons dégueulasses. Revenons au naturel. Soyons sales, comme tout le monde. C'est vrai, comme tous les crados. Mais oui, comme ça, tout le monde puera, personne ne saura qui pue, au final, c'est bien. Mais oui, mais bien sûr, mais enfin... Je comprends pas comment est-ce qu'on a mis tant de temps à se rendre compte de ça. Mais moi non plus, j'ai pas compris. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre les yeux des auditeurs. Mais tu as bien raison. 9h05 sur Fun Radio. Dans un instant, remboursement des factures, comme promis. C'est la dernière fois ce matin, donc et c'est la dernière fois cette semaine aussi d'ailleurs. Ça se passe au 63-22. C'est 1€ le message. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on écoute Jim Classy Rose maintenant avec Stereo Hearts. Jim Classy Rose sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, tous les matins on vous rembourse vos factures sur Fun Radio à 9h08 ce matin. Pour vous rembourser les factures, c'est un jeu d'enfant. Il suffit simplement de nous envoyer un message au 63-22, de nous préciser le montant à rembourser et surtout qu'est-ce que vous avez fait pour dépenser cette somme, évidemment. Voilà, donc si jamais vous voulez qu'on vous rembourse, eh bien c'est simple, un petit message tout simplement au 63-22 avec le montant et l'objet de la facture. Tiens, pour en revenir aux cheveux vite fait, c'était l'info en plus de Julie. Mickaël, si je laisse mes cheveux tranquilles, c'est-à-dire pas lavés ni coupés, je ressemblerai à un ZZ Top. Non merci, c'est Seb qui avait envoyé le message. Oui, c'est vrai qu'effectivement si on les lave plus, ça ressemblera vite à rien. Bon, c'est vrai que c'est un drôle de mouvement, mais en tout cas il y en a qui le suivent, donc je voulais en parler pour ça, mais effectivement moi je suis pas tout à fait... Il y en a certainement qui doivent le suivre. Apparemment ça fait quand même de plus en plus d'adeptes, c'est ça surtout l'info de ce matin. C'est vrai, et puis je voulais rendre service également à un auditeur, c'est Dario qui dit vous déchirez, passe une dédicace à Sarah, mon amour, de la part de Dario. Voilà, c'est juste parce qu'à mon avis, je pense que ce week-end, il voulait. C'est pour ça que je le fais. D'habitude, je le fais pas, mais je me suis dit bon, allez, c'est pour rendre service. Tu vois, il y a un moment, faut pouvoir le faire, quoi. Bon, allez, attention, nous allons maintenant appeler quelqu'un pour lui rembourser cash sa facture. Qu'est-ce que tu te ferais rembourser, toi, Julie, actuellement, là, sans parler de ta porte, hein, parce que sinon. Oh bah alors, je dirais la dernière facture d'électricité. La dernière facture d'électricité qui revient à combien ? Ah, je ne sais plus. D'accord, bon ça va, donc c'est que ça n'a pas trop frappé non plus, quoi. Ah non, mais c'est pas moi qui gère les comptes. Ça a frappé son compte en banque. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Bon, attention, accident grave, sortie Drogenboss direction Nivelles. Manquait plus que ça. Très bien. Ouais, c'est par là que je devais aller en plus. C'est le seul endroit où il n'y avait pas de bouchon là. C'est que coup de bol. Allez, on y va. Si j'aime. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui. J'ai cru que tu n'allais pas bien répondre. Comment tu t'appelles ? Audrey. Audrey, sois la bienvenue, Audrey. Tu appelles d'où ? De Bordeaux. De Herstal, c'est ça? Oui. D'accord, eh ben écoute, pas de problème Audrey. Alors Audrey, on t'appelle pour te rembourser 71 €, c'est pour Mobistar, c'est ça? Oui. C'est quoi, le GSM? Oui. Eh ben il faut téléphoner moins Audrey, hein. Mais oui. Ah oui, il faut téléphoner beaucoup moins, hein, parce que là ça commence à prêter le téléphone des autres. Mais oui, c'est ça, parce que là ça commence à devenir bien cher Audrey, hein. Oui, quand même. Ah bah quand même, heureusement qu'on est là pour rembourser Audrey quand même. Bon Audrey, pas de problème, le remboursement de la facture, c'est plié, il y a pas de souci, on va te refaire un petit virement là pour que tu puisses avoir l'argent sur ton compte très rapidement. En tout cas pour les fêtes évidemment, pour que tu puisses offrir des cadeaux y compris à nous par exemple, surtout à nous. C'est vrai. Je te fais des gros bisous Audrey, reste au standard, d'accord? Merci. Ça va, merci. Gros bisous Audrey, à bientôt. Oui, gros bisous. Et surtout garde cette patate, hein. Ouais, parce qu'on sent que t'es au taquet ce matin. Garde cette joie de vivre. Oh là là. On sent que le bonheur est dans ta vie. Allez, gros bisous Audrey. Ciao, tout à l'heure on a eu Max qui lui était génial. Il a gagné sa tablette de plaisir. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle quand même. On va d'ailleurs offrir une autre tablette dans quelques instants. Et puis le son de Liquidy également. Tablette ou écran plat, bien évidemment. Le son de Liquidy qui arrive dans un instant avec I Follow Rivers sur Fun Radio. Il y aura aussi le dernier horoscope, je vais y arriver, de Doudou. C'est dans un instant sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 9h16 sur Fun Radio et Robert Abigail qui arrivera dans un petit instant, ce sera Amor Prohibido sur Fun Radio. Et puis attention, je vous fais maintenant écouter à nouveau ce magnifique talent justement qu'a notre ami invité mystère ce matin, qui vous permet de repartir avec un écran plat. Écoutez bien. Pas mal, hein. C'est très dur. Je vous remets un petit bout là. Ah oui, encore. Voilà, si vous avez une idée, qui est-ce qui chante cette magnifique chanson là avec ce grand talent, 63-22, vous débutez le message avec la réponse et on vous appelle d'ici quelques minutes pour vous offrir votre écran plat. Et alors je tiens à signaler que ce n'est pas moi qui choisis les gens qu'on appelle pour les factures. S'il y en a qui gueule, oui, bah bravo, rembourser un GSM, c'est plus important que ma facture d'électricité. Oui, bah je suis désolé, c'est un jeu. Si on ne veut pas perdre, il ne faut pas participer. J'ai la même réaction, cela dit, à chaque fois que je joue au loto depuis plusieurs mois et je ne gagne jamais. J'ai déjà fait des courriers d'ailleurs. Ah bah bravo, hein, offrir le jackpot à un connard qui a déjà de l'argent, qui a c'est déjà plus gagné important. Parce qu'il y en a un, il a gagné déjà deux gagné. Fois de suite. Malheureusement, c'est le fruit du hasard, donc je suis désolé, mais je ne peux rien pour toi, vraiment désolé. Bon, allez, c'est parti, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Doudou ? Oui ? Est-ce que je dois jouer à l'Euromillion ce soir ou pas ? Bah évidemment. Ah, je vais gagner ? Non. Bah pourquoi vous voulez que je joue alors ? Bah comme ça vous n'aurez pas perdu la main. Ouais, bon, par contre, je vais perdre l'argent. Hein. Oui, comme d'habitude. C'est vrai. Bon, allez, les béliers. Oh là là, faites un peu attention à vos rapports à l'argent. Eh oui, les taureaux. Ah ben voilà. Voilà, vous, n'écoutez, justement, rien, vous n'écoutez rien de ce que je dis. Bah si, mais bon. Mais non, je le vois bien. Bon, les taureaux. Les taureaux, je vais jouer quand même. Les commérages vous énervent aujourd'hui. Ne vous laissez pas emporter à faire des remarques réfléchies. Les gémeaux. Vous êtes d'une humeur à aller danser. Alors remouez vos grosses fesses. Les cancers. Même si vous ne voulez pas l'accepter, chouchou ne vous gâtoie pas aujourd'hui. Les lions. En ce moment, il vous manque la volonté. Eh oui, c'est ça en fait. Hein. Les vierges. Ne voyez pas tout en rose. Pensez à regarder la réalité en face. Les balances. Ne vous laissez pas distraire et poursuivez votre chemin avec détermination. Les scorpions. Détendez-vous et profitez de ce point mort. Les sagittaires. Quand on perd une bataille, on peut tout de même gagner la guerre. Les capricornes. Alors, vous avez enfin remarqué que ce que vous faites est une perte inutile d'énergie ? Eh bien, économisez-vous alors. Les Verseaux. Aujourd'hui, vous n'allez connaître ni succès professionnel, ni entrée d'argent. Les poissons. L'amour vous donne des ailes et augmente votre vitalité. Mais c'est la bonne nouvelle du jour, en tout cas. Merci Mais en tout oui. cas, Doudou. Mais oui. Bon, je vous appelle ce soir quand j'aurai gagné au loto. Hein, d'accord. Appelez-moi. Bon, à lundi. Oui, d'accord. On va faire ça comme ça, alors. Allez, 9h19 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. C'est vendredi. Bon courage à ceux qui sont dans le bordel de la manif. Là. Et c'est Robert Abigail, maintenant. Ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio, ce sera Kate de Luna et Fatman Scoop pour Drop It Low. Et à 9h22, bah oui, alors hier, comme souvent dans les tribunaux, il y a deux amis qui ont tenté de se sauver la mise en racontant un mensonge au juge. Alors le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même version et qu'ils ont oublié des détails assez importants. Alors je vous explique, en gros, c'est Olivier K qui emprunte la voiture de son ami Olivier S. Olivier K roule sans permis et en état d'ivresse. Du coup, bah évidemment, hein, l'accident bête arrive. Enfin, bête, je sais pas, mais en tout cas, l'accident tout le court. Le dérapage. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, comme son pote, il est quand même relativement cool, il essaye de lui sauver la mise en déclarant « On m'a volé ma voiture, je l'ai retrouvée accidentée !» Oui, évidemment, forcément, gros mensonge à la con. Le problème auquel il n'avait pas pensé, c'est l'ADN de son pote, évidemment, qui était sur les lieux de l'accident. Alors, écoutez bien les explications et vous nous en... Vous nous en direz des nouvelles juste après. Est-ce que t'as déjà menti à quelqu'un, toi, Julie? Tu es une femme parfaite, non? C'est déjà arrivé à tout le monde. De mentir? Non, jamais. Bah, parfois, c'est pour pas faire de mal, il vaut mieux mentir. Ah, donc t'as déjà trompé ton mec, toi? Non, jamais. Non, alors, il y a ça, c'est le mensonge. Non, il y a ne pas dire les choses pour pas faire de mal, il y a aussi se foutre de la gueule des gens, ce qui est différent. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Tromper, c'est se foutre de la gueule des gens, ce qui n'est pas mon cas. Là, en l'occurrence, écoutez bien, c'était par rapport au juge. Monsieur, levez-vous. Vous déclarez vous être fait voler votre voiture alors qu'elle était dans son garage. Alors, comment se fait-ce que l'on ait retrouvé l'ADN de votre ami sur les lieux de l'accident? Ah, mais ça, c'est parce qu'en fait, quand on nous a volé la voiture, Olivier, ben, il passait par là. Et il a vu les voleurs qui prenaient la voiture. Alors, il s'est dit, ouais, moi, je vais courir derrière la voiture. Après, il a sauté sur le toit. Les voleurs, ils faisaient carrément des virages pour le faire tomber, Olivier. Et là, Olivier, il est tombé, il a roulé sur 200 mètres, mais bon, il a quand même réussi à s'accrocher à la roue. Donc, il s'est servi de sa ceinture pour rattraper le rétroviseur. Il s'est hissé jusqu'à la portière, hein, parce que bon, c'est pas facile non plus. Après, quand il a ouvert la porte, il a quand même fait une technique de jiu-jitsu brésilien au conducteur et il a réussi à le foutre dehors de la bagnole. Une fois installé, il a regardé l'autre voleur et lui fait « Hasta la vista, baby ». Et alors, de peur, l'autre con, il a volé en dehors de la fenêtre, il a sauté et tout. Et la marmotte a mis le chocolat dans le papier d'alu. Ouais, c'est ça, monsieur le juge. Un mensonge presque parfait, tous les jours au tribunal. Ah ouais, il y en a quand même qui osent quand même. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, moi, je l'ai trouvé très crédible, son explication. Oui, ouais, ça, c'est marrant, ça. Moi, pas des masses, du coup, tiens. Dans un instant sur Fun Radio, la réponse à la devinette qui colle. Pas du tout. La réponse à notre invité mystère de ce matin pour repartir avec un écran plat à 9h25. D'abord, Kate de Luna, Fatman Scoop. Dans un instant sur Fun Radio, Lucas arrive avec le self pour le dernier self de la semaine jusqu'à 13h évidemment. Vous ferez la prog avec lui, évidemment aussi d'ailleurs. Et nous avons avec nous César. Salut César. Ave César. Eh oui, Ave César. Bonjour César, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, t'appelles d'Herstal. Oui. Ça va Herstal, pas trop le bordel aujourd'hui? Non, ça va maintenant, ça va, c'est bon. Bon, alors ça va, parce que sur Bruxelles, par contre, c'est bien le boxon là, hein. C'est-à-dire que la manif, elle va commencer dans 3 minutes. Julie doit traverser tout Bruxelles, je pense qu'on va se marrer. Oui, je pense que j'arriverai demain. Je propose que Lucas l'appelle toutes les demi-heures pour savoir où elle est. Ouais. L'avantage, c'est qu'elle part qu'à 10h, donc ça va, alors elle n'arrivera pas pile poil dans le truc. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, Lucas pourrait l'appeler tous les quarts d'heure, je pense. Ouais, allez, pour se rendre compte qu'il est toujours à la même place. Ouais, c'est-à-dire devant la radio. Oh là là, je m'aime pas un peu de votre soutien. Ah non, pas du tout. On veut t'appeler et tout. Mais oui, c'est ça, pas du tout. Bon, César, tu as la réponse à notre invité mystère. Qui est donc le chanteur? On réécoute. Oh là là. Il y a un message qui dit le pire, c'est qu'il y a des meufs qui craquent sur ce gars. Ouais. Mais il va être papa, ce gars, il paraît. Qui... Oui, apparemment, elle est enceinte, sa copine, mais ce gars qui disait quand même qu'il en avait une toute petite. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, effectivement. Ah bah, il est ambassadeur d'une marque de capote pour petit sexe. Hein. Ouais. Tout à fait. Bon, alors, c'est qui, César? Enrique Iglesias. Eh bah ouais, exactement, c'est Enrique Iglesias. Bravo à toi. Eh bah, écoute, ça te permet de repartir avec un écran plat ce matin. Bravo, César. Ok, génial. Voilà. Eh ben voilà, je t'en prie. Ouais. Bonne journée à toi aussi et bon week-end, César. Oui, merci également. À bientôt, ciao. Et ben voilà, c'est une semaine qui se termine. On se retrouve demain dès 7h pour le replay des Mickaël à la radio, 7h-10h évidemment, on sera avec Yolande. Demain et dimanche pareil, et puis on se retrouve en direct évidemment dès lundi à partir de 6h où il n'y aura pas d'écran plat à gagner mais bien des billets d'avion. Oh là là, mais quel dommage, billets d'avion. Oh, c'est pas de chance. On vous met des billets d'avion à gagner toutes les heures avec soit avec notre invité mystère, soit avec une devinette qui colle, on verra. Bon, je me tâte encore, on va voir. Bon, passe un bon week-end en tout cas, ne loupez pas également Jasmine tout à l'heure à 13h avec Pure Dance Floor et puis évidemment Evan et toute la tribu à partir de 17h, Keep It Real ensuite avec Vince et DJ Man à partir de 20h et puis bien sûr pour terminer Invasion Latina et Party Fun jusqu'à tard dans la nuit. À demain tout le monde, 7h pour le replay, ciao. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique.